Mais ça vaut la peine. Je suis certaine que ça va être bon. Sinon, vous pouvez aller voir son vidéoclip qu'elle a réalisé, qui est en stop motion avec marionnettes. Très, très beau. Ça a dû être long à faire à l'effet du stop motion. Oui, c'est oui, oui. Mais elle voulait. Elle voulait faire ça. C'est ça. C'est une artiste qui est très intègre. Je la trouve super intéressante. Elle prend son temps. Oui, c'est ça. Elle prend son temps puis elle fait ce qu'elle veut. Ce que je trouve vraiment très, très inspirant. Alors, Sarah Toussaint Éveillé, c'était c'était ma découverte de la semaine dans la boîte à musique d'Alex. Ça fait diète. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Allô, Jeff Veilleux, ça va bien? Salut, bon lundi. Bon lundi à toi, bonne journée, ça va bien? Oui, quand il fait soleil, ça va toujours mieux. Toujours, c'est hein? C'est plus facile de commencer la semaine. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de bon à jaser dans ton domaine en ce moment? Bien, tout d'abord, une nouvelle internationale. On parlait de la Catalogne, parce que vendredi dernier, la région qui compte 7,5 millions d'habitants a franchi un nouveau cap dans son défi au gouvernement espagnol en annonçant qu'elle maintient son projet malgré l'interdiction provisoire de la consultation parce que ça a été interdit par le tribunal espagnol. Et puis, le représentant de la Catalogne a dit « Nous espérons qu'une fois que nous aurons voté le 9 novembre, le gouvernement espagnol comprendra enfin la clameur qui vient de Catalogne. » Et pour l'instant, le oui est en avance à 56% et ça fait juste monter. Ben c'est ça, mais c'est tout le temps bon hein, quand on peut pas faire quelque chose, on se révolte un peu. Ouais, ouais. C'est tout le temps une bonne façon de faire. Non, mais quand on se fait dire, pareil comme quand on est jeune, touche pas aux biscuits sur le comptoir, ça c'est sûr que t'as le goût de les manger, c'est ouais. Clair, c'est de même, ça marche. Ouais, ouais. Tant mieux. Et là, le président nationaliste de la Catalogne a dit « Nous le ferons à notre façon », ce qui veut dire avec un consensus politique de façon correcte, positive, et constructive. Bon. Avec déjà un message clair et emballant. C'est positif malgré le bras de fer juridique avec Madrid qui refuse ce référendum consultatif d'autodétermination qui le juge anticonstitutionnel. Je pense que c'est plutôt eux qui font de l'anticonstitutionnalisme. Oui, oui, tout à fait. Mais la plupart des grandes républiques ou des grandes monarchies se défendent comme ça. Par exemple, aussi en Allemagne, oui. Il y a la Bavière qui est au sud-ouest du pays et qui, depuis longtemps, veut se séparer. Mais c'est inscrit dans la Constitution allemande qu'il n'y a aucun territoire qui peut être qui peut se séparer. Okay. Donc, c'est inscrit dans la Constitution que l'indépendance n'est pas possible de certaines régions. Et c'est l'argument aussi du gouvernement espagnol. Okay. Mais à suivre le 9 novembre prochain, peut-être un nouveau pays sur la carte et qui donne des ailes à d'autres petits peuples, comme les Kurdes aussi, qui en Irak se font écraser par les autres, par les sunnites et par les chiites, qui tentent seulement d'avoir une certaine une liberté place, politique. Hein? Ouais, ouais. Ouais. Et avant de passer à ma chronique, je vous invite, ce jeudi, je fais une conférence à Trois-Rivières sur l'histoire du Québec. De 1534 à nos jours, dans le fond, nous survolerons les principaux mythes, symboles, héros et grands moments de notre histoire commune afin d'en dresser un portrait général. Donc, des découvreurs jusqu'à la Révolution tranquille, en passant par les patriotes de 1837-38. Et ça, c'est organisé par l'Accorderie, qui est un service d'échange des citoyens. Et je vais vous donner l'adresse. C'est au 1060 rue Saint-François-Xavier, au local 230. Donc, c'est une conférence à 18h sur les 400 ans d'histoire du Québec. Et c'est-tu dans une place quelconque? C'est... je crois que c'est dans les locaux de l'Accorderie. OK, c'est ça que je me disais, c'est dans ce coin-là, me semble. Et l'Accorderie, dans le fond, c'est un principe où que t'offres tes services dans les talents que tu possèdes. Que t'as, ouais, et puis, tu les échanges contre d'autres services de d'autres citoyens, tout simplement. Ah, c'est très, très bien, ça. C'est du troc, mais un petit peu plus professionnel. Fait que ouais, si t'es bon en informatique ou en correcture de correction de français, ben, tu peux t'échanger ça contre un cours de cuisine ou quelqu'un qui vient t'aider à faire des petits travaux d'ébénisterie. Très, très bonne idée, donc, le troc. Hein? Ouais, la corderie, vous irez voir ça. Donc, on va pas nous l'imposer, ça, le troc? Ouais. Ils sont à veille. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, en fait, je veux faire écho à l'article que j'ai écrit dans le Zone Campus. Oui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. J'ai pas lu. Pour tant rien. Mieux, je vais pouvoir t'en parler. Exactement. Avec encore plus. Et juste un petit mot, justement, pour dire que oui. Jean-François est dans le participe au Zone Campus depuis le début. Puis, quasiment, oui. Ça va faire 5 ans en janvier prochain que j'écris pour le Zone Campus. Tout à ton honneur. Section chronique société. Exactement. Et j'adore ça. Je prends mon rôle très à cœur. Oui, puis c'est toujours à des bon texte, là, on parle pas de 2-3 phrases. Là. C'est quelque chose avec de la viande autour de l'os. Puis là, cette session, en plus, ils m'ont fait l'honneur de doubler mon nombre de mots. Donc, j'ai pratiquement une page complète à moi tout seul. Ça peut te faire plaisir. Oui, tout à fait, parce qu'avant, j'étais déchiré, puis il fallait tout le temps que je coupe. Oui, j'entendais ça dans les salles de rédaction. Ah, mais là, il faudrait qu'on coupe. Il est trop long, le texte. Mais regarde, laissez-le s'exprimer. Donc, ma chronique s'intitule « Le Canada n'est pas mon pays ». Oui, oui, ça, j'ai vu le titre, par exemple. Au début, je me disais que ça devrait plus s'appeler « Le Canada n'est plus mon pays ». Parce que le Canada a déjà été pays, a déjà été le pays de tous les francophones du Canada aussi. Avant qu'on se fasse envahir, le Canada, c'était un pays francophone. Donc, le Canada n'est pas mon pays. Parce qu'en fait, avec la période référendaire écossaise, c'était une occasion idéale pour réfléchir sur notre appartenance au système fédéral canadien et sur les différents coûts qui y sont reliés. Parce que comme on disait la semaine dernière, si l'indépendance a un prix, la dépendance en a un aussi. C'est sûr. Puis dans le fond, je dédie cette chronique-là à tous mes amis fédéralistes ou tous ceux qui sont je m'en foutisme ou qui savent pas trop comment se brancher. Ça, je l'ai vu passer, par exemple, ouais. Quand tu l'as dédié aux personnes que tu l'as dédié. J'ai dédié à Mathieu Roy, entre autres, président de la JEQTR, qui est fédéraliste par conviction familiale, et M. Simon Fitzbé, chroniqueur, je ne sais pas s'il est encore chroniqueur à la radio, non, mais il l'a non. été pendant quelques temps. Et puis, finalement, il m'a avoué qu'il n'est pas fédéraliste. OK. Ouais, mais en tout cas. Il est plus autonomiste, mais il vote NPD, qui est le parti fédéraliste le plus centralisateur. Fait que ça reste des. Comme une feuille au vent, mettons. Il vote comme une feuille au vent. Oui. À l'est, à l'ouest, au nord aussi. Exactement. Et finalement, dans le fond, parce que depuis tout l'été, j'ai pensé à ça. J'ai accumulé des blocages dans le cadre fédéral canadien. Et c'est une énumération qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Avec bonheur, on va mettre ça dans les meilleurs moments en plus. Super. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de reculer jusqu'à la répression brutale des patriotes par l'armée anglaise, ni aux propos racistes de Pierre-Éliott Trudeau à l'encontre des Canadiens français, ni à l'échec de la Constitution canadienne de 82, ou même pas au fameux scandale des commandites du PLC, le Parti libéral corrompu, du petit gars de Shawinigan, hein, et ses quelques tentacules vénéneux comme le Conseil pour l'unité canadienne ou Option Canada. Fait qu'on n'a pas besoin de reculer jusqu'à ça pour fonder les bases de l'indépendantisme québécois. On n'a pas besoin non plus d'aller piger dans les nombreux sondages qui démontrent clairement la chute brutale de l'appartenance des jeunes Québécois, Québécoises à l'identité canadienne. Non, tout se passe ici et maintenant. Chaque jour, depuis l'élection de Stephen Harper en janvier 2006 au poste de premier ministre du Canada, ça nous donne des raisons supplémentaires pour faire du Québec un pays entièrement indépendant. Tout d'abord, on pourrait, ça c'est frappant en fait, c'est l'incompétence totale des dirigeants de Transport Canada et des entreprises ferroviaires canadiennes dans le dossier de la catastrophe de Lac-Mégantic, qui a fait, je crois, 47 ou 48 victimes. Sans compter les autres victimes et l'environnement et tout le reste. Ah oui, c'est ça, les dommages collatéraux à la nature. Oui. Mais ça, c'est totalement déficient, là. Puis encore là, ils ont de la misère à reconnaître leur... Ils se lancent la balle tout le temps. C'est jamais ça. Eux, c'est tout le temps... Ils veulent mettre ça quasiment à la faute de l'employé, là. Mm-hmm. C'est ça, là. T'sais. Même si la compagnie avait déjà été avertie il y a 2 ans de mettre son système de sécurité à jour. Mm-hmm. Deuxième raison, l'inaction du gouvernement fédéral lors des inondations du Richelieu C'était en mai 2011. Mm-hmm. On se souviendra que, en fait, l'armée canadienne avait refusé d'enlever des bacs de sable ou même d'en faire parce que sa job, c'était pas ça. C'était pas de nettoyer non plus. Sa job, c'était plus d'aller combattre l'État islamique ou faire du ménage en Afghanistan. Mais non, ils sont pas là pour nous aider. C'est plate. L'armée, il me semble, ça devrait servir à ça. Bien, on la paye, nous autres aussi. Oui, oui, tout à fait. En ce moment, là, je veux dire, il faut qu'elle serve à quelque chose. Oui, puis en cas de catastrophe naturelle, il me semble que l'armée devrait répondre au rendez-vous à l'appel des citoyens, finalement. Bien, puis répondre dans son propre pays avant même de vouloir aller se mêler ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est la base, là. Raison numéro 3. L'intention d'abolir la Commission canadienne du blé. Ça, ça nous touche directement parce que de 40 à 45 % de l'économie agricole québécoise est dans la gestion de l'offre. Puis s'ils veulent abolir ça, dans le fond, là, on perd notre rapport de force, en quelque sorte, là. Raison 4, le désir d'implanter une réforme de l'assurance-emploi au désavantage principalement du Québec et des Maritimes. Et ça, c'est Thomas Mulcair qui disait ça, là, que 40 % des personnes touchées par l'assurance-emploi, par la réforme, sont au Québec. Et on parle principalement des pêcheurs et des travailleurs saisonniers, là, qu'on appelle. C'est juste une coïncidence, Jean-François. OK, ah, c'est bon. Numéro 5, la place ridicule laissée aux Français dans les grands événements ou les festivités de l'État fédéral. Par exemple, les Jeux de Vancouver à l'hiver 2010. Puis là, on peut aussi rajouter à ça le dénigrement du bilinguisme obligatoire pour les plus hautes fonctions du pays canadien. Parce qu'il y a certains juges là, qui sont élus, qui sont nommés par Stephen Harper, mais non, le français, c'est pas important. C'est une des deux langues officielles du pays depuis 1969, mais c'est pas important, on dirait, de... Ben, c'est important pour nous d'être bilingues, mais pas pour les Canadiens anglais. Ouais, ouais. Soyez-le. Ça, c'est vraiment important. Ouais, c'est ça qui est important. En tout cas... Fait que ça, c'est vraiment triste que le français n'est jamais mis de l'avant, n'est jamais valorisé. Et ça, ben, même... Étouffé tout le temps, même. Ouais, là, c'est, tout à fait. Dans les communautés francophones, mettons, au Manitoba ou tout ça, ils ont de moins en moins tout le temps, moins en moins de droits. Mm-hmm. Autant dans les Radio-Canada francophones de ces provinces-là, ils coupent tout le temps, puis les services deviennent minuscules. Ça devient des bureaux avec pas de production ou presque. Là. Alors ça produit supposé, plus à cette heure. Ils prennent juste les productions québécoises ou presque là, dans le monde francophone du Canada. Ouais. Mais pourtant, c'est supposé être des acquis pour ces communautés francophones-là du reste du Canada qui se battent aussi pour leur langue et préserver leur culture. Ils ont bien raison. Mm-hmm. On ajoute à ça l'abolition controversée du registre des armes à feu. C'est en avril 2012. Le Québec a même voté à l'unanimité de rapatrier les données qui lui appartiennent. Et puis, ça a été stoppé par une initiative juridique là, mise en place par Stephen Harper. Je ne sais toujours pas si on a réussi à les récupérer, mais on a fait empêcher de les détruire. OK. Mais je pense qu'on ne les a pas plus récupérés. Puis j'avais lu... Ça avait coûté je ne sais pas combien de millions pour le mettre à jour au début. Tout à fait. Même, je pense, 2 milliards au total que ça a coûté finalement. Et puis, les policiers de Montréal l'utilisent chaque jour, ce registre-là. Ouais. Fait qu'on attend toujours les données, finalement, qui nous appartiennent. Sinon? Le remplacement du programme de la Fondation canadienne des bourses du millénaire par des simples prêts étudiants. Ah ben oui, ça coûte moins cher, il va te revenir. En janvier 2010. Donc, OK, on vous donne plus d'argent, on va vous le prêter à la place. Hein? Ça, c'est pour faire plaisir sûrement aux banques canadiennes. Mm-hmm. Qui vont très, très mal, les profits, ça va pas bien et tout. Mm-hmm. J'ai adoré l'autre fois quand tu as mis les taux d'impôt. Ouais, justement, c'était, je pense que c'est sur un article par rapport à quand justement tu disais à tes amis, tu présentais ton article dans le zone campus. Oui, oui. Je pense, puis c'est là que tu as mis des trucs d'impôts, des grosses compagnies qui étaient hallucinantes. Tout à fait. Des 0,1%, des 3%. Plus des subventions que l'État leur verse. Sur des millions, des milliards de profits, genre, là, c'était... C'est hallucinant. Juste au Québec, là, j'ai su récemment que les entreprises, si on soustrait les subventions qu'elles reçoivent de l'État, là, elles donnent à peine 1 milliard. À l'État québécois. Si on soustrait, en fait, Hydro-Québec, les trois sociétés d'État, là, Hydro-Québec, SAQ, puis l'autre m'échappe. Gaz Métro, non? C'est hallucinant. Les autres, comment ils sont subventionnés non-stop? Là? Ça se peut. Comme on a entendu hier, tout le monde en parle. Ouais. Un beau petit chemin de fer à 20 millions. Là. Exact. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça hier. En tout cas. Ouais. Mais les autres non plus, ils n'en payent pas. Le gaz métro, c'était ridicule ce qu'ils payaient. Ce que tu dis, ce que tu as mis des chiffres sur Facebook, c'était... C'est vraiment ridicule. Mais ça, ça parle pas aux gens qui ont une tête? Ben, ça devrait. Mais me semble... Il me semble que le ton devrait monter face à... Moi, c'est ce que je me dis. Il me semble des choses aussi simples que ça. Puis là, après, t'entends... OK, là, on parle de patates puis de pommes, mais après, t'entends... Tu sais, on parle du fédéral, mais là, t'entends l'autre qui veut de l'austérité, là. Couillard, non-stop, non-stop. L'austère austérité, là, tu sais... Et il sait pas lire les chiffres, il a mieux à les couper chez des handicapés à 4$ par jour. Ouais, pendant qu'ils peuvent pas se défendre. Là, ben non, eux autres, ils iront pas dans la rue, hein. Ouais, ils veulent pas, les autres sont tranquilles. Puis je comprends pas comment tu peux te regarder dans le miroir le matin. Puis sourire, puis être heureux, là. Tu sais, c'était quoi, j'ai mis un truc, là, c'est Abraham Lincoln qui disait « Quand je fais le bien... » je me sens bien. Mm-hmm. Quand je fais le mal, je me sens mal. Ouais. Ces gens-là, c'est quoi? Le soir, là, quand Couillard, il soupe avec sa femme ou avec ses enfants, il s'aime. Non, mais sérieux, comment tu peux t'aimer? C'est incroyable. Il doit être malheureux, ce monde-là. C'est triste, vraiment. C'est hallucinant. Quand j'ai vu ça, les chiffres que tu as mis, c'est comme ça se peut pas. Nous autres, ils vont nous... Ils checkent l'épicerie, comment ça coûte à chaque jour à faire, les taxes, c'est fou. Puis... Non, mais il y a les grosses compagnies qui font des milliards de profits. Puis là, c'est pas... Tu sais, ça fait vraiment parole là, de radio poubelle, là, ce que je dis, là. Mais c'est vrai. C'est les vrais c'est chiffres. Ça. C'est les vraies affaires, pour vrai. Ouais. Je comprends pas comment ce monde-là peut fonctionner, sérieux, puis être heureux. Puis pendant la grève étudiante, pour continuer là-dessus, il y a plusieurs personnes, dont l'Université Laval, qui avait suggéré de mettre 1%, une taxe de 1% à toutes les entreprises. Et ça, là, ça aurait payé la gratuité scolaire. Ben... C'est rien, là. C'est des profits qu'ils font. C'est pas... En tout cas, je sais pas. Ouais, on en reparlera des maudites banques. Des maudites compagnies égoïstes. Ah. Bon, côté... Surtout que les compagnies, c'est pas nous qui donnent l'argent. C'est pas nous qui paye pour... tu sais... Ça, en tout cas, c'est comme... Non, c'est débile. Continue. Ouais. Côté culturel, on peut rajouter le retrait controversé des peintures d'Alfred Pellant, peintre québécois, au profit d'un tableau de la reine d'Angleterre. C'était en juillet 2011. Le gouvernement Harper a décidé qu'il était tanné des voix puis qu'il s'ennuyait de la reine, fait que il a mis la face de sa préférée. Tu sais, il a juste pogné sa poignée de change, là, puis il peut la regarder à tout moment. Tous les jours. Sans arrêt. Ouais. Là, t'as du pélan, puis non, on liquide ça. En tout cas... C'est décevant. Hein? C'est triste, sérieux. C'est rendu là. C'est rendu décourageant, je trouve. Je pense que Stéphane Harper devrait renommer son parti pour le parti conservateur monarchiste. Ah, ça serait magnifique. Ça serait déjà ça. Ça serait plus vrai. Ben lui, c'est le premier ministre de la reine. Ouais. Tu sais, comme à l'époque, justement, de la monarchie. Là. Il se sent vraiment comme « je suis le premier ministre de la reine ». C'est comme à la cour. Mm-hmm. Il se pense comme ça. D'ailleurs, il a renommé l'armée canadienne. L'armée royale. Exactement. Ben oui. Oui. Pauvre petite armée, là, fallait tellement qu'elle change de nom. Ça change tellement quelque chose. Ouais, là. Ça refait faire des beaux stickers, des logos, des entêtes. Ça coûte rien faire ça. Ouais. Tu refais toutes les entêtes de tout papier, de tout ce qui, c'est des trucs qu'on pense pas, là. Mais c'est déjà plus d'économie que couper à des endroits. Mais ils n'ont pas besoin de faire d'économie parce que je pense que le budget militaire au Canada, c'est un des seuls budgets qui monte tout le temps chaque année. Ouais. C'est le seul budget qui descend jamais. Non, c'est ça, puis il n'y a pas de limite. C'est « sky is the limit ». On va rajouter à ça l'adoption d'une motion vide et insignifiante pour reconnaître la nation québécoise. C'était le 27 novembre 2006. Le Parti conservateur avait volé la motion au Bloc québécois pour lui ajouter la reconnaissance de la nation québécoise dans un Canada uni. Mm-hmm. Ça veut-tu dire que si le Canada se désunit, on n'est plus une nation? Sûrement. Puis de toute façon, qu'est-ce qui a changé depuis l'adoption de cette motion-là? On n'a pas plus un siège à l'UNESCO, on n'est pas plus présent dans les forums internationaux. Bien, la seule chose qui a changé, c'est que justement, quand tu vas dire, des gens intelligents vont chialer sur le gouvernement Harper par rapport à l'identité québécoise et tout. Mais il va dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste ça que ça... Qu'est-ce qu'il a fait en 2006? Ouais. C'est juste ça qu'il va répondre, mais OK, puis ça a fait quoi? Ouais, c'est ça. Absolument rien. C'est symbolique. Puis encore là, c'est très, très douteux parce que... Ben, c'était parce qu'il voulait... C'est de l'opportunisme. C'est ça, exactement. Il voulait s'approprier le crédit, tout simplement, sans donner rien en retour. Mm-hmm. Ça représente le gouvernement conservateur. Moi, sérieux, c'est vraiment n'importe qui sauf lui. Tu sais, je voterais libéral demain là, pour qu'il s'en aille. Ouais. puis pourtant, c'est pas mon genre, mais je voterais Justin Trudeau 1000 fois à comparer au... Parce qu'en plus d'être fédéraliste, c'est carrément... Ils sont plus fédéralistes. C'est des... Comme tu dis, c'est des royalistes, presque, et en même temps, un peu copié sur les Américains. Là. C'est plus... Au moins, les libéraux avaient un côté canadien-anglais. Avec un côté droit humain, etc. Paix dans le monde. Un côté un peu gauchiste, un peu centre-gauche. Et les conservateurs, c'est complètement... je comprends plus rien. Je comprends rien. C'est essayer de défendre l'indéfendable. Les défendre. Là, ou... Je sais pas. Je peux pas comprendre. On rajoute à ça la volonté de commémorer, voire célébrer à outrance sur nos terres la victoire anglaise sur les Français en 1759. Donc en 2009, on voulait faire un party sur les plaines d'Abraham. Heureusement, ça a été cassé par le RQ, le réseau de résistance du Québécois. Et le moulin parole avait été fait là, en échange. Une belle réponse. Oui, tout à fait. C'était une très belle, très, très belle initiative citoyenne. On rajoute à ça l'augmentation des mesures pénitentiaires et répressives pour les jeunes contrevenants. Alors que toutes les études démontrent qu'il y a de moins en moins de crimes. Mais qu'il faut les réintégrer dans la société, que ça sert à rien d'être plus répressif ou d'augmenter, surtout pour des mineurs. Oui, mais surtout, lui, c'est tout, là, il veut, c'est d'être strict partout. Mais la prison, c'est l'école du crime. Ben c'est clair. Puis ça coûte pas cher non plus, la prison. Ça coûte pas cher un prisonnier à chaque jour, là, l'entretenir, le loger, le nourrir. Ça coûte. Ben, c'est ridicule. Je pense que c'est 100 000 par année par prisonnier. Donner ça au monde, puis ils vont arriver pas mal mieux. C'est comme. C'est ridicule. Raison numéro 97, la réforme urgente pour. Mais avortée du Sénat canadien, notre super Sénat, qui coûte 100 millions d'argent public chaque année pour des gens non élus et nommés par le parti au pouvoir. Présentement, le Parti conservateur. Et on se rappellera qu'au Québec, on a aboli notre Sénat en 1968. Ouais, c'est cela. Le scandale du péage imposé sur le nouveau pont Champlain à Montréal. C'est une vraie joke. Ils sont imbéciles. C'est ridicule. Ils comprennent. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans le fait que c'est pas un nouveau pont? C'est un pont qu'on remplace. Il n'y avait pas de péage sur l'ancien pont. Il n'est pas supposé en avoir sur le nouveau. Ou comme j'ai entendu un peu partout, à d'autres places, ce qui est intéressant, c'est fait payer tous les ponts, mais à 75 cents ou 50 cents par shot. T'sais, pas 4$ pour aller. Pas 4-5$ pour aller, puis 4-5$ pour revenir, c'est ridicule. T'sais, si ça coûte 75 cents, 50 cents, ça dérangera pas grand monde. Ouais. T'sais, ça veut rentrer, ben oui, c'est de l'argent. Pis c'est comme... c'est ça. Mais sur tous les ponts, là, c'est quoi? Le pont, il va être beau, il va être neuf. Il n'y a pas un astuce qui va être dessus. Juste des piétons. Les autres vont être quatre fois plus pleins. Ouais. C'est eux autres qui vont tomber. Comment tu peux pas penser à ça? N'importe qui n'a pas étudié longtemps, il va comprendre ça. Puis c'est supposé être eux qui sont à la tête du pays. C'est comme... C'est ridicule. C'est tout du ridicule au complet. Je peux comprendre, justement, ça coûte... Ben oui, mais c'est ça. Faites payer 75 cents, 50 cents. That's all. Fait que j'encourage Denis Coderre là, à faire de la désobéissance civile. Total, ben oui. Puis aller détruire le péage qui va être installé, là, parce que ça n'a juste pas de sens. Sérieusement, non, ça n'a pas aucun sens. Le remplacement du prix Thérèse Casgrain, qui était la première femme élue, je crois, au Québec, par un hommage au premier ministre Harper. Tout simplement. On ne s'aime pas, hein? On a aussi retiré sa figure de la monnaie canadienne. Une autre figure héroïque québécoise que les conservateurs n'aimaient pas voir. Non. Les coupures honteuses chez Postes Canada en décembre 2013. Il paraît que c'est un droit constitutionnel de recevoir le courrier chez soi. Puis là, ils veulent nous enlever ça. Mm-hmm. Mais je comprends pas pourtant, c'est la Poste royale. Ils devraient aimer ça. Oui, oui. Je sais pas, mais en tout cas... C'est une autre vision de l'État. Hein? C'est une autre vision complètement de l'État et puis c'est une vision qui est comme erratique, je te dirais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça n'a pas de but, il n'y a rien de fondé dans ce qui... C'est vraiment idéologique comme façon de penser, c'est hallucinant. Ça a improvisé la moitié du temps. Oui, c'est ça, c'est erratique. Ça s'en va d'un bord, ça s'en va de l'autre. On va regarder, on va prendre le pouls de la... Puis on va reculer, puis on va réavancer, voir jusqu'où on peut aller. On va tester les limites du monde, jusqu'à quoi qu'ils sont capables d'en prendre. Oh, on va... Une petite danse, là, le tango. le tango des perdus. Ouais, le tango des perdus. Le tango erratique des perdus. On rajoute à ça la volonté crasse de criminaliser davantage la prostitution les clients, dit-on, et le cannabis au lieu de les encadrer. Parce que de toute façon, les lois ne feront jamais disparaître ni l'usage récréatif des drogues, ni la vente de sexe. Non, tu sais, c'est hallucinant. Parce que je veux dire, c'est comme disait ça, la prostitution. Je veux dire, OK, je suis parfaitement d'accord de ne pas criminaliser les filles, mais les clients, sans les filles, ils n'existent pas. C'est comme, tu peux pas avoir juste un ou juste l'autre, là. Puis pourquoi on ne pourrait pas faire des maisons pour les légaliser, protéger, ouais, les protéger, exactement, ces femmes-là? C'est ça. Comme encadrer-les. Tandis que là, ils ne peuvent même pas appeler le 911 s'ils se font battre parce que leur travail est illégal. Il est illégal. Fourette. Puis c'est sûr qu'ils vont être obligés aussi de le faire, ceux qui sont dans la rue, de se cacher dans des endroits sordides, morbides, fonds de ruelles, etc. Parce que ouais, si tu es juste sur la rue directe, il n'y a pas un client qui va arrêter. Mm-hmm. S'il y a une police qui regarde, tu sais, c'est un jeu de chat et à la souris. Puis là, c'est, surtout, ça se promène. C'est que la plupart de l'élite canadienne sont des clients, ben oui, des prostituées. C'est pas le vagabond du coin là, qui va mettre ses scènes là-dedans. Là. C'est sûr qu'il y a des députés, des ministres, ouais, et tout ce que tu veux, le qui, reste. Là. Qui payent des escortes et qui participent à ça. Mais on fait l'autruche. Tout à fait. Rajoutons à cette liste exécrable des perversités du système fédéral et des mauvaises actions de Stephen Hale Harper. Le désir du premier ministre du Canada d'aller de l'avant avec la Commission nationale des valeurs mobilières, malgré le refus unanime du Québec, comme la Commission de blé encore. La répression violente des manifestants du G8 à Toronto, c'était en juin 2010. La défense de l'exploitation du pétrole sale et polluant dans les sables bitumineux jusqu'au projet de forage exploratoire par TransCanada à Kakuna, en passant par le soutien accru au développement de pipelines, puis qui pourtant qui défendent un modèle économique désuet basé sur la dépendance à l'or noir. Mm-hmm. Mais ça, c'est nous autres là, qui est con là, au Québec en ce moment, par exemple. Aussi, mais là, je pense que les citoyens... Parce que là, sérieux, personne, les États-Unis, l'Ouest, personne veut. Ouais. Bon, on va l'envoyer vers là, eux autres, ils disent rien. C'est triste, là. Puis c'est tout le scrap de l'Alberta, en plus. Là, mm-hmm. C'est comme... Non, il ne faut pas embarquer là-dedans. C'est correct. En ce moment, on a encore besoin, semble-t-il, de pétrole, mais c'est le temps de changer... Oui, c'est ça. C'est le temps de changer de shot. Là, à un moment donné, il va falloir arrêter ça. Là, c'est sûr que ça ne se fait pas une journée, ça ne se fait pas un an non plus. Il faudrait commencer. C'est le temps là, de le faire. T'sais. Mais gars. On rajoute à ça l'exclusion du Canada du Conseil de sécurité, qui était le plus puissant organe de l'ONU. Donc, en octobre 2010, on a perdu notre place là-dessus. Le désir de Stephen Harper de donner plus de poids aux juges de la Cour suprême plutôt qu'aux élus du peuple. L'abandon de l'obligation de remplir le recensement de Statistique Canada. Les conservateurs, ils n'aiment vraiment pas les chiffres puis connaître sa population. Là, c'est fou, là. Aïe, aïe. Le refus... Tu sais, un gouvernement qui veut plus de statistiques de son monde. Un manque de vision totale. Tu sais, c'est comme... On va effacer l'histoire pour être sûr que personne s'en rappelle, tu sais. C'est hallucinant, c'est quasiment ça, là. On rajoute à ça le refus de créer une commission nationale d'enquête sur la situation précaire des Amérindiens et surtout, le millier de femmes autochtones qui est disparu depuis quelques temps et que le gouvernement a refusé de lancer une commission d'enquête sur ce sujet-là. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Le laisser-faire qui permet à ADM de détruire l'aérogare de Mirabel, parce que le fédéral, en fait, serait propriétaire de l'endroit. Mmh. Et donc, finalement, là, on va détruire quelque chose sur notre territoire au lieu de le transformer. Mais le maire a déjà averti qu'il va s'opposer là, de façon juridique à la destruction de ça. Là. On peut bien faire d'autres choses. Là. Pourquoi obligé de détruire? On peut bien transformer. Exact. Puis c'est nœud encore. Là. C'est hallucinant. Ça. Ouais. Non, je sais pas. T'sais, des locaux, on en a toujours besoin, de toute façon. Là. Mmh. Ils vont le détruire pour reconstruire d'autres choses. Tu sais, adapter ce qu'il y a. Je veux dire, ça a coûté combien de millions, milliards peut-être. Ouais. Là, tu sais, plusieurs millions, oui. En tout cas. Sans parler du financement accru et sans précédent des activités militaires au détriment de la science, des recherches en environnement et dans les énergies vertes, tout en effectuant de nombreuses coupures dans les milieux communautaires et coopératifs, dans les subventions aux artistes, comme la promotion Outre-mer, les bourses de soutien, ou encore dans les institutions culturelles, comme on disait tantôt, comme Radio-Canada. Et là, Alouette, là, on est rendu à la raison 4322. Là. Disons-le franchement, appartenir au Canada, puis ça, malgré l'absence de notre signature à la Constitution de 82, ça a un prix. Le Canada soutient et défend, par exemple, en notre nom, le retrait du protocole de Kyoto, mm-hmm. alors que le Québec atteint ses cibles. La militarisation de l'espace ainsi que du Grand Nord canadien et bien sûr un appui fidèle et inconditionnel aux agressions massives de l'État d'Israël sur le peuple palestinien en juillet 2014. Merci à vous, fédéralistes. Non, non, mais c'est ça. C'est des fois, faut que tu dises merci aux gens à qui on est, pourquoi on est comme ça. Là. Mm-hmm. C'est pas moi qui l'ai mis là à tête. Puis ça, c'est depuis 10 ans. Dans le fond, tout ce qui nous liait encore psychologiquement ou économiquement au Canada vient d'être anéanti en moins d'une décennie par le Parti conservateur de Stephen Harper. Exactement. Et après, si on se demande encore pourquoi on veut séparer, ben là, les raisons sont là. Pont-Champlain, on n'a pas allé chercher Trans-Canada. C'est fou. Mais ça, je dis, quelqu'un qui sait lire, qu'est-ce qu'il peut pas comprendre là-dedans? Un Québécois qui sait lire, là, ouais. qui lit ça, qu'est-ce qu'il comprend pas? Pourquoi il est aussi accroché? Tu sais, mettons justement que tu as eu des raisons autres hein, dans la vie, on change, là, on a des opinions qui changent. Mais aujourd'hui, en 2014, qu'est-ce qui peut te retenir à vouloir embarquer dans la danse de M. Harper? Là, ou à se sentir fier? Puis ben non, mais c'est ça, entrer dans la danse, c'est ça, c'est se sentir fier, tu sais, être avec, tu sais, c'est pas ouais. juste. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que en conclusion... Mais tu sais, juste deux secondes. Ouais. Tantôt, là, il y avait des gars qui faisaient une émission avant nous. Là. Okay. Mais ils défendaient quasiment la pollution, tu sais, juste pour dire. Puis ça, c'est des jeunes. Là, tu sais. Okay. Fait que c'est, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme des amateurs de Grand Prix, sans doute. Gars, j'aime mieux pas m'impliquer là-dedans. Mais tu sais, c'est comme... Tu défends l'indéfendable. Tu peux pas. Il y a pas... C'est pas sexy comme argument, je trouve. Tu sais, je veux dire, je comprends pas. Puis c'est des jeunes, là. C'est des jeunes qui ont 25 ans, 23 ans. Ça va être quoi, mais qu'ils soient... mais moi, je suis vieux, puis ça va être eux qui vont être là. Ça va être épeurant. Ouais, sérieux, s'il y a des jeunes qui pensent comme eux, c'est, tu défends l'indéfendable. On parlait de ça dans le studio. C'est ça. Ça marche pas. Il y a du monde inconscient. Ben c'est ça, tu sais, que t'as le droit d'avoir des valeurs, puis t'as le droit d'avoir tes idées, mais il y a des trucs qui se défendent pas. Mm-hmm. Tu sais. Ben d'accord. En tout cas. C'est juste ça. Ben, pour finir, en fait, cet été, j'ai lu un livre du très détestable André Pratt, éditorialiste de la presse. Il faudrait en fait dire La Paresse. Tantôt, je voulais écrire La Presse, puis j'ai écrit ça par... La Paresse. Oui, exactement. RBO disait Sa Presse aussi. OK, place. Puis dans le fond, lui, il voulait donner une nouvelle tactique aux fédéralistes pour contrer le projet du pays des séparatistes. Puis là, Pratt, il raconte qu'à l'issue du débat contre Jimmy Carter lors des élections présidentielles américaines de 80, Ronald Reagan avait frappé un grand coup en suggérant aux États-Unis de faire leur choix après s'être posé la question suivante. Êtes-vous dans une meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 4 ans? Puis moi, je vous dis, chers auditeurs, pensez-vous que le Québec est dans une meilleure position qu'en 2006? Est-ce que le peuple canadien est mieux représenté dans le monde? Parce que, disons-le franchement, êtes-vous fier de l'aplaventrisme du Québec devant ce pays qu'on appelle le Canada, dominé massivement par les intérêts de l'économie pétrolière de l'Ouest? On va laisser ça en question. Et sur ce, je vous invite à écouter une chanson de mon oncle Serge qui s'intitule... Canada is not my country. En fait, c'est la seule chanson en anglais que je vais vous apporter cette année. Mais c'est la chanson qui termine son fabuleux album Mon voyage au Canada, paru en 2001. Et c'est ce qui a donné le titre à ma chronique. Il termine sa chanson en disant « Why don't you set me free? Why don't you see that Canada is not my country? » C'est cela. Merci beaucoup, Jeff Veilleux. Ça fait plaisir. On se reparle lundi prochain pour 30 minutes d'indépendance. Restez là. Le dîner de con se poursuit jusqu'à 13h, mais on s'en va en musique tout de suite. Oups. Well, Frenchmen came from France to exterminate Indians. Satisfy their appetite for genocide. They proliferated like vermin, so today we are millions dreaming of destruction, waiting for secession, preparing the final assault to avenge the plains of Abraham. Insult, dreaming of pogroms and referendums, reading Mein Kampf and Lionel Grew anthology, not giving a shit about the right of minorities to ignore our half-dead tongue. You know we're wrong, why don't you open your eyes? And you will see that Canada is not our country. How do you want me to identify with a country where human rights are king? An open-minded land where multiculturalism is the thing. Don't you see? My heart is full of hatred, retrograde ideas, racist beliefs. There is no place there for a maple leaf. Between two mouthfuls of pea soup, I count my munitions, I polish my 22. I wanna crush this miserable beaver under my thumb, strangle ministers, wear brown shirts, plant bombs. I like the sound of the boots in the military march and the Parti Québécois membership cards. Why don't you set me free? Why don't you see that Canada is not my country? Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Ah, c'est le moment d'analyser un petit peu des expressions de la vie de tous les jours. Voici sa plus simple expression. C'est sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Ça, c'est moi. It's you. Petite thématique cette semaine, on revient un peu à la thématique de la première semaine. Je sais pas si tu t'en souviens. Les animaux. Les animaux comme, mettons, la chanson Animals d'Infant Safety, mettons, là. On dirait un lien qu'on aurait fait. On dirait quasiment qu'on y a pensé, mais c'est un hasard total. Tellement. Mais j'ai comme une sous-thématique animalière. Et cette semaine, c'est un spécial chat. Ah, juste des chats! Oui! Hein? Juste avoir des chats. Su, j'aurais été comme trop excité puis j'aurais pas réussi à faire mes autres chroniques. J'aurais juste pensé à ça. Oui, ouais. Probablement. Donc des chats. Oui, on va commencer tout de suite avec, dis-moi Mathieu, ce que signifie appeler un chat un chat. Appeler un chat, ben là, c'est parce que si t'appelles ton chat chat, c'est parce que t'es pas original dans ses prénoms, hein, des prénoms de chat, puis tu l'appelles chat. Chat. Moi, j'aime ça. C'est comme, tu sais, je t'appellerais fille. Mais c'est... C'était une fille. Oui. Juste qu'à preuve du contraire. C'est Jean-Thomas Jobin qui, son chat, s'appelait Bébé Chien. C'est parfait, ça. Wow. Donc, appeler un chat, c'est tout simplement appeler les choses par leur nom et en étant franc et direct. Donc, à notre époque, on doit être politiquement correct. Donc, on doit faire attention au langage un peu vulgaire. Donc, on a de plus en plus de mal à appeler un chat un chat. Mm-hmm. Cependant, en blablabla... Oui, surtout. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle argotiquement une chatte. Donc, ça s'appelait autrefois un chat. Donc là, oui, on parle de en dessous de la ceinture. Ah. OK? Donc, ça part de là. Donc, en désignant la toison pubienne au 17e siècle... Il faut pas oublier que c'est un endroit qui, comme le félin évolue, se laisse volontiers caresser. Oh! Oh! Donc, sans négliger aussi l'influence de l'homonyme chat, c'est H-A-S, comme le chat d'une aiguille, okay. Qui désignait tout simplement un trou ou une fente. Quand tu y penses, c'est donc, vrai. Donc, on a quand même l'origine de ça. Donc, s'il existait une vieille locution qui disait déjà « il entend chat sans qu'on dise minon », donc il comprend chat sans qu'on dise minet. Locution jouant volontairement sur le sens équivoque des deux désignations du petit félin. C'est Boileau qui a figé la forme actuelle dans un vers de sa première satire. J'appelle un chat et relais un fripon. Donc, pas très clair pour nous, non. Mais ça a été figé dans ces écrits-là. Donc, aujourd'hui, ben c'est ça. Non, c'est tout simplement ça. Puis, tu sais, faut pas oublier non plus d'appeler un chat aussi. T'sais. On va se le dire, Facebook, le Messenger, c'est un chat. Là. Fait que t'appelles un chat aussi. Faut l'oublier, ça. Un chat. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. La même appellation, ça. Ouais. Laisse faire. Donc, ça part en dessous de la ceinture. Oui. Ensuite, y a pas un chat. Y a pas un chat. Y en a pas un, mais ça, c'est quand tu vas chez une crazy cat lady. Y a pas un chat. Y en a mille. Mais non, c'est un peu le contraire. Ça veut dire qu'il y a absolument personne. L'endroit est désert. Et on redescend encore en dessous de la ceinture. Non, c'est moi qui est supposé être tout le temps en dessous de la ceinture. Là, c'est un addon. Hein. Ben, c'est fait comme OK? Un addon. Donc, ben, cette locution-là a une explication qui est évidente et une autre qui l'est un peu moins. Pour la version évidente, mais il suffit de considérer que les chats se trouvent en général là où il y a des hommes. Donc, car si ces animaux sont très indépendants, ils aiment quand même bien que quelqu'un s'occupe d'eux, surtout lorsqu'ils ont faim. Mm-hmm. Donc, si on arrive dans un endroit où il n'y a pas un chat, c'est probablement parce qu'il n'y a pas d'hommes non plus. Autrement dit, l'endroit est désert. Pour l'origine un peu plus cachée, si on veut, ben on sait que, comme je l'ai dit tantôt, on avait le chat qui désignait le sexe féminin au 16e siècle. C'est juste au début du 19e siècle que c'est devenu la chatte, que c'était féminisé en raison tout simplement du sexe de la propriétaire. Ouais. Hein? Donc, c'était féminisé. De son maître. C'est ça. Donc, et aussi là, du chat de l'aiguille. Donc, lorsque des jeunes gens en chasse et en rut hein, arrivaient dans un endroit où il n'y avait personne, donc surtout pas de gibier, hein, entre guillemets, à leur convenance, ils pouvaient dire de façon triviale, ben, il n'y a pas un chat. Ah. Hein, tout simplement, donc c'était super vulgaire. Ouais. Et aussi, on disait d'ailleurs d'une jeune fille qui venait de perdre sa virginité qu'elle avait laissé le chat aller au fromage. Laisser le chat aller au fromage. Ouais, mais ça veut dire qu'elle a perdu sa virginité. OK, OK. Là, j'ai pas l'origine de ça, mais ça montre que... Sûrement piqué par un corbeau. Hein. Le chat... ouais, c'est ça. Le bec d'un corbeau. Et pour que les femmes qui disaient en termes pas très élégants, là, elles disaient « j'ai la chatte à l'agonie », ça veut dire qu'elles étaient sexuellement excitées. c'est beau. Oui, hein? Le climax de la chatte à l'agonie. C'est ça. Mm-hmm. Ensuite, donner sa langue au chat. Non, mais encore une fois, là, si c'est supposé être sexuel, là, je sais pas ce que je devrais faire avec ça, mais en tout cas, sa langue, en tout cas... Mais non, il n'y a pas de rien de sexuel dans tout ça. Sésame, ouvre-toi. Ouais. Comme dans la graine de sésame. Comme dans la graine de sésame. Wow! C'est comme un gag que j'avais pas comme prévu puis qui est vraiment parfait. Graine de sésame, ouvre-toi! Et je note. Donc, donner sa langue au chat, ça veut dire renoncer à trouver ou à deviner une solution. Donc, l'expression est apparue quand même à 7h au 19e siècle. Donc, auparavant, on disait « jeter sa langue au chien ». Donc, locution de Madame de Sévigné. Donc, au chien, on jetait les restes, donc ce qui a plus de valeur. Donc, leur jeter sa langue, c'est leur abandonner son organe de la parole qui n'a plus d'utilité, puisqu'on ne dira jamais la solution qu'on renonce à chercher, parce qu'on n'est pas capable de trouver la réponse. Donc, pourquoi chien est devenu chat et pourquoi on donne au lieu de jeter? Donc, George Sand a écrit « Mettre quelque chose dans l'oreille du chat », c'était lui confier quelque chose qui devait rester secret et oublié. Donc, le chat avait donc connaissance de beaucoup de choses, sans pour autant être capable de les divulguer. Donc, donner sa langue au chat serait ainsi un mélange de jeter sa langue devenue inutile, mais la confier au chat pour être sûr qu'il la gardera peut-être pour le cas où on déciderait de la récupérer plus tard. Ah ben! Voilà. Ensuite... Les chiens ne font pas de chat. Les chiens ne font pas de chat. Les chiens ne font pas de chat. Ils sont durs aujourd'hui à trouver des blagues, hein, je trouve. Attends. À chaque fois, j'ai la même affaire à dire. Les chiens ne font pas de chat. Non? Non, pas en tout. Vraiment rien qui me... Ça veut dire tout simplement qu'on hérite le comportement et les goûts de ses parents. Hein? Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Non, jamais. Donc, ben, on s'entend sur un plan purement génétique, ce dicton est généralement vérifié. Donc, même si on accouplerait une souris à un éléphant, ça fonctionne pas. Donc, pas compatible. ça peut pas, c'est ça. Donc, même s'il est vérifié en génétique, ce dicton est en réalité utilisé en application à des situations qui vont bien au-delà des choses innées. Donc, on peut l'employer dans le cas où un couple d'enseignants a des enfants, eux-mêmes enseignants, où les enfants et les parents raffolent des endives au jambon et des merguez au barbecue. Donc, ce sont des choses qui se transmettent tout simplement par le côtoiement et avec la génétique. Ouais. Donc, les chiens ne peuvent pas faire de chats. Les chiens font des chiens. Mm-hmm. Et les chats font des chats. C'est vrai. Etc. Etc. Ensuite... Acheter ou vendre chat en poche. Ah, acheter ou vendre chat en poche. Mais tu sais, quand t'as une poche, là, ça revient au sein. OK, on revient au-dessus de la ceinture. Ça revient au sein. C'est quoi? Alors, répète-moi la phrase. Comment? Vendre chat en poche ou acheter chat en poche. Ben, j'imagine que c'est de vendre les services de ta poche pour la chatte et la chatte pour la poche. C'est comme un échange de services. L'achat de la poche. L'achat de la poche. L'achat de la poche. Exactement. Mais non, en fait, ça veut tout simplement dire c'est conclure un marché sans voir ou montrer l'objet de la vente. Donc, avec le risque de se faire duper. Mm-hmm. Donc, c'est tout simple. Donc, au début du 15e siècle, cette expression est apparue parce que, autant dire que depuis longtemps, les acheteurs crédules peuvent se faire gruger par des vendeurs habiles et sans scrupules. Donc, le mot poche désigne un sac. Hein, comme le chat est sorti du sac. Oui. Là, on parle d'un sac. Donc, le sens de l'expression est facile à comprendre. Vous viendrait-il l'idée d'acheter quelque chose sans le voir? De faire une confiance aveugle au vendeur si vous le connaissez pas? Ben non, surtout s'il s'appelle Veugle. Faire confiance aveugle, wow. Je le connais à peine. Veugle. Il s'appelle Veugle, ouais. Mais oui, il serait malaisant. C'est Donc, c'est ça, si t'achètes un chat qui est dans un sac, tu l'as pas vu avant... Tu sais que ça peut être un chat avec le poids et tout ça, mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est estropié? Si c'est le chat de Schrödinger, il est mort et vivant en même temps. Tu sais, comme le veut la théorie de Schrödinger. Tu connais pas ça? Laisse faire. Non? Tu connais pas? Non. Non? Donc, c'est ça. Donc, tout simplement, regardez la marchandise avant de l'acheter. Exact. Ouvrez la boîte. Pour ne pas se faire duper. Ouvrez la poche. Ouvrez-vous la poche. Ah oui. Ensuite, avoir d'autres chats à fouetter. Ben oui, mais justement, ça revient encore sur les affaires de fantasmes, de latex et tout ça. Là. Bon. Ça, je trouve ça vraiment, tu vas trop loin. Plus rien dit, moi. Avoir d'autres choses à faire ou d'autres préoccupations. Hein? On sait pas exactement pourquoi le chat, hein? L'association du chat et de fouetter est ancienne. Ça date du... 17e siècle. Donc, on disait d'une personne qu'elle était éveillée comme un chat qu'on fouette. Ou on employait déjà l'expression bien connue « il n'y a pas de quoi fouetter un chat ». Donc, pour parler d'une faute bénigne ou d'une chose sans importance. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller fouetter le chat pour ça. C'est pas très grave. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi c'est le petit chat qui se fait fouetter. On ne sait pas ce qu'il a fait. Parce qu'on aurait pu dire, pour exprimer la même chose, hein, avoir d'autres pommes de terre à éplucher. Ou... Ben, pourquoi qu'on dit pas j'ai d'autres crèmes à fouetter, tu sais? D'autres tuiles à poser. Mais en fait, je pense que c'était pas le même fouettage là, que la crème. Là. Tu l'adaptes. On pourrait, ça serait un petit peu moins... Mais quoi que crème, ça reste sexuel. Hein? D'autres choses à fouetter. Tu fouettes ta crème, toi? Non. Donc, sinon, il y a un grand spécialiste de la langue française qui avançait l'idée que fouetter, en fait, ce serait une déformation du mot foutre, donc au sens de baiser. Mm-hmm. Donc, mais sans apporter de preuves particulières pour ça. Et c'est pas vraiment mieux pour le petit chat, là. Non. Hein, on n'a pas d'autre chat à foutre. Pauvre petit chat! Donc, on va espérer que ça va mieux aller pour notre chat en continuant la chronique, hein? Avoir un chat dans la gorge. C'est ce que j'ai depuis hier soir, j'ai trop crié, je pense. Mais... T'as trop crié? Trop crié à la huître. Après quoi? Les lundis. Lundi, l'huître. Non, chat dans la gorge, clairement, c'est quand t'as de la misère à... parce que t'as trop... avec ta langue dans le... Je veux pas aller dans les détails. Donc, ça veut dire avoir un chat dans la gorge, c'est être enroué. Ah, OK. Hein, tout simplement. C'est une drôle d'image, hein? Comment... Comment le fait d'être enroué a-t-il pu être comparé au fait d'avoir un félin dans la gorge? Hein? Petite bête qui doit probablement être paniquée. Et... Une fellation dans la gorge, comment? Quoi? Ah non, c'est un félin dans la gorge, je te rassure. Je suis en mode tout le temps, juste gag de sexe. C'est mon mode en ce moment. Je m'en excuse. Est-ce qu'on le veut ça vraiment? Non, je pense pas. Donc, la seule explication qu'on ait de cette métaphore est proposée par Pierre Guiraud. Hein, tu connais Pierre Guiraud? Ben oui. Donc, en 19... c'est lui qui est chez Kojak. Si tu demandes, je te prendrai un Guiraud, s'il te plaît. Non, c'est un Giraud. Excuse-moi. Donc, en 1961, dans son livre Les locutions françaises, il semble que cela vienne d'une confusion au jeu de mots entre matou. Hein, le fameux chat qui s'incruse dans la gorge, et maton. Maton, en fait, qui est le vrai mot de moton. Hein? Un maton. Donc, ce dernier thème, là, t'as-tu un chat dans la gorge, Mathieu? Clairement, oui. Donc, ce dernier thème, maton, désignait à l'origine le lait caillé ou les grumeaux dans le lait. Donc, le moton. Donc, par extension, cela aussi désignait des amas de poils, de laine, de fibres de papier qui peuvent obstruer des orifices. Donc, lorsqu'on a la voix enrouée, c'est souvent qu'on est malade et qu'on a des glaires dans la gorge. Donc, par comparaison aux grumeaux du lait caillé ou autre chose qui bouge des conduits, qui peut s'appeler un maton ou par erreur. Donc, par un jeu de grumeaux. De grumeaux. Un matou, donc un chat, tout simplement. Ben oui. Donc, ça vient du lait caillé. Ah, yippee-ki-yay, motherfucker, comme disait Bruce Willis dans le film. Là. C'est dans Die Hard, je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais. J'ai même pas vu ça. Non, non. T'as vu ça, toi? Non. T'as pas fait, moi, semblait aussi. Ensuite, chat échaudé craint l'eau froide. Chat échaudé, je sais même pas. Là, c'est une perchaude. Chat perchaudé. Premièrement, c'est un chat qui... Chat perché. Et avec un poisson dans la bouche. Et là, arrive laisse un tomber, renard et laisse tomber son fromage. Je pense qu'elle est là. Donc, un chat échaudé craint l'eau froide. Ça veut dire qu'on craint jusqu'à l'apparence de ce qui fait souffrir. Donc, toute expérience malheureuse doit servir de leçon de prudence. Ben oui. Donc, s'il y a de l'eau, tu sais pas, es-tu chaude, es-tu frette? Mm. Tu prends pas de chance. Donc, on s'entend, l'image de cette expression est très facile à comprendre. Un chat, un chien qui se serait jeté dans l'eau bouillante, mais ensuite va être craintif de l'eau, tout simplement. Pareillement, un humain, après avoir vécu une expérience désagréable dans un lieu précis ou à cause de quelque chose, aura une forte tendance à se méfier du lieu ou de la chose la fois d'après. Sauf si niaiseux. Parce qu'il y en a de toutes sortes. Hein? Ouais. Donc, ça a été... extendu. Ouais. Donc, par extension aux choses de la vie courante. Exact. Et finalement, de la bouillie pour les chats. Ouais, parce que moi, de la bouillie, c'était carottes, patates, petit morceau de viande, mais un chat, clairement. On s'est toujours demandé comment ça se fait la nourriture pour chat n'est pas faite à la saveur de souris. Hein? Comment ça se fait? Ben, tu sais comment ça se fait. Fait que là, ben, j'imagine que tu sers de la bouillie, puis les morceaux de viande, c'est des souris. La bouillie de chat. Donc, bouillie de chat, pas vraiment? Non. C'est un travail gâché, mal fait, donc un texte mal écrit, incompréhensible, d'autres synonymes, ou une chose qui ne servira à rien. Donc, l'origine de ça, c'est au 18e siècle. Notre expression a d'abord eu le deuxième sens proposé, donc une chose qui ne servira à rien. Et deux explications étaient généralement données. Donc, la première venait de ce que les chats ne consomment pas de bouillie par crainte de salir les moustaches. Et la seconde, du fait que les chats ayant des crocs aptes à découper et mâcher des aliments durs, il était inutile de leur préparer de la bouillie comme on le fait pour les édentés. Hein? Les gens qui ont des dents. Qui n'ont pas de dents. Qui n'ont pas de dents, c'est ça. Oui. Donc, comme il n'est utile pas vraiment... C'est une drôle de tournure de phrase. C'est une drôle de tournure de phrase. Je pense pas que je pourrais te dire aujourd'hui si les tournures de phrase sont bonnes ou pas, regardant les miennes. Donc. Mais il y a Pierre Guiraud, dont on a parlé tout à l'heure. Monsieur Kojax. Lui voit un jeu de mots dans cette expression-là. En effet, pour lui, il faut penser au chat. Donc, c'est H-A-S qui est la fente, le trou. Dans l'aiguille. Donc, à l'époque de la naissance de l'expression, au milieu du 18e siècle, désignait un infâme bouillon à la consistance de colle à tapisserie. Ah, miam, hein? Et qui, au figuré, signifiait un gâchis. Donc, mais le doute est permis car le premier sens proposé en lien avec le gâchis ne semble pas attesté à cette époque. Mm-hmm. Donc, ça sert à rien de faire de la bouillie pour les chats. Ils vont pas en manger parce que ça tache les moustaches puis qu'ils ont déjà des dents pour mâcher. Donc, tu ne sers pas de la bouillie à des chats. C'est pas ça. Mais non, ça ne sert à rien. Il va te juger après ça, le chat. Eh oui, il va te regarder de haut, avec cette petite face de chat. Sur son échafaudage avec une perchaude dans la bouche. Échafaud. Puis d'âge. C'est comme logique. Échafaudage. C'est ça. Voilà. Merci, Stéphanie. Ça fait plaisir. Paradis. Ça fait plaisir. C'est ça, deux fois plus qu'une. Plus qu'une, deux fois plutôt qu'une, c'est ça l'expression, je pense. Je trouve que ce serait bien d'accompagner ta chronique d'une chanson de The Cat Empire. Voici Brighter Than Gold. Oh oui! Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. Out like a cheetah, the monkey's in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. The Cat Empire est Brighter Than Gold. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On est sur l'heure du midi, dans le nombril de la journée et dans le nombril de cette semaine. Ah ben oui, on est mercredi, c'est le midi-mousse, comme on appelle, hein? On l'appelle comme ça. Tout le monde appelle ça le mercredi midi-mousse, c'est comme ça. Eh bien, je vous envoie des nouvelles qui ont rapport à la nourriture. Si hier, vous avez été une seconde de temps sur Facebook, vous l'avez vu passer, c'est les feuilles d'érable frites qui sont désormais servies au Japon. Bien oui! Le sirop d'érable et ses dérivés, on connaît bien, mais la feuille d'érable frite, on l'avoue, on n'y avait pas pensé et on parle pas de biscuits. hein, parce qu'on le sait, le fameux biscuit feuille d'érable. Eh bien, c'est le site Borrowed Panda qui rapporte que les feuilles d'érable frites, les Momiji Tempura, sont devenues une friandise bien appréciée dans la région d'Osaka, au Japon, plus précisément au splendide Mino Park, environ une heure au nord de la ville. Et avant les frites, eh bien, on attend que les feuilles... Pardon, avant de les frire, on attend que les feuilles passent au rouge. OK. Selon le blog, les feuilles n'apportent pas un goût particulier. C'est plutôt la forme du repas qui intrigue et la pâte, hein, qui goûte quelque chose. D'autres visiteurs aussi ont publié leurs trouvailles sur Twitter et ça donne presque le goût d'y goûter. Hein? N'allez pas croire qu'il suffit de ramasser les feuilles d'érable sur un terrain. En effet, selon Borrowed Panda, les feuilles sont préparées d'une façon traditionnelle et sont préservées durant un an dans des barils de sel. OK. En attendant, des Canadiens se mordent les doigts de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ça, ben oui, tout à fait, mais je pense que désormais, ça sera plus très, très long. On va voir ça arriver. On va essayer ça cet automne. Moi, je vais essayer ça, en tout cas. On va les mettre dans le sel. Donc, le baril de sel, c'est la façon. On les laisse là pendant un an. Peut-être qu'on les laissera seulement quelques jours et puis on goûtera ça. Ouais. Sinon, 6 mythes sur la pizza auxquels peut-être vous croyez, hein? Eh bien oui, eh bien non. Il y en a qu'on le sait. Il y en a que ça fait longtemps qu'on se fait dire que c'est des mythes. On va aller l'apprendre tout de suite. Premier mythe, mythe numéro 1 sur la pizza. Les Italiens sont les seuls inventeurs de la pizza. En vérité, eh bien, les tartes à la sauce tomate et au fromage que nous connaissons ont certes des racines de Naples, mais les Grecs anciens avaient déjà des plats similaires bien avant cela. Souvent, les gens vont dire « Non, la pizza est inventée aux États-Unis. » Vous êtes dans le champ, messieurs, mesdames. Oui, peut-être que la pizza que vous mangez en ce moment, oui, elle a été popularisée aux États-Unis, la fameuse pepperoni fromage all dress, peut-être. Mais les tartes aux tomates avec du fromage, avec des légumes dessus, eh bien, gars, c'est même pas italien, ce sont les Grecs bien avant eux. Mythe numéro 2 sur la pizza. Eh bien, la pizza, c'est toujours relativement pas très cher. Eh bien, la vérité, elle, c'est qu'il existe une pizza coûtant plus de 1000 $ à New York. Elle contient, entre autres, du caviar et du homard. Et là, c'est une petite parenthèse, hein, mais écoutez, une pizza, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Hein, on s'entend, on peut mettre à peu près n'importe quoi dessus. Eh bien, si on ajoute du caviar, si on ajoute de la truffe, si on ajoute du foie gras, si on ajoute, tu sais, tous les petits ingrédients qui nous coûtent cher... Eh bien, c'est sûr que la pizza va coûter cher. T'sais, c'est un petit peu ridicule. Mais c'est pas un mythe de dire que la pizza, d'habitude, c'est assez abordable pour le commun des mortels. Moi, je trouve pas que c'est un mythe qui est défait. C'est un mythe qui est discutable. On pourrait dire ça comme ça. Mythe numéro 3 sur la pizza. Eh bien, le pepperoni est une des plus grandes contributions de l'Italie à la pizza. La vérité, eh bien, le pepperoni... qui, d'après l'étude citée ci-dessus, et la garniture, est typiquement une création italo-américaine. Ah, c'est là qu'on disait, hein? La fameuse pepperoni fromage. Eh bien, là, on est avec une création italo-américaine. Ce sont des Italiens déménagés ici. Ici, quand je dis ici, c'est en Amérique, qui ont popularisé cette garniture numéro 1 à la pizza. Parce que l'étude nous dit vraiment que la garniture numéro 1, c'est la pepperoni fromage. Et je dois avouer que c'est vrai, c'est bon. Pepperoni fromage, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Mythe numéro 4. La pizza ne doit être réchauffée qu'au four à micro-ondes ou au four. Premièrement, moi je vous dis, le four à micro-ondes, pognez-les et sacrez-les aux poubelles. Vous n'avez pas besoin d'envie, premièrement. Pas besoin de four à micro-ondes dans votre vie. Au four, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mais la vérité, eh bien, que le grill aussi est une excellente option. Le site de Food52 a demandé à Anthony Falco, pizzaiolo au restaurant Roberta de Brooklyn, de faire une illustration montrant exactement comment griller une pizza à la perfection. Et là, ben, vous pouvez aller voir ça. Au grill, ça va très, très bien, très facile aussi. Il faut juste pas mettre le feu directement en dessous. On la met, mettons, comme sur un barbecue. On met la pâte sur le côté d'un brûleur qui n'est pas allumé. On la chauffe, finalement, ça devient un four, mais avec du feu, ce qui donne un goût extraordinaire. Mythe numéro 5. Et puis, vous allez voir, ça vous concerne, vous et moi. Mythe numéro 5, c'est que la pizza hawaïenne a été inventée par des Hawaïens. Eh bien, c'est tout à fait faux. La vérité, c'est que c'est un Canadien qui prétend en être le créateur. Et on le sait, la pizza hawaïenne, c'est la fameuse pizza avec des avec de l'ananas dessus. Hein? Et puis, puis du jambon. Jambon et ananas, c'est italien, ça, on nous dit ça. Mythe numéro 6 sur la fameuse pizza. Le mythe, eh bien, c'est que la lutte entre les grandes compagnies de pizza est dure, mais respectueuse. En vérité, c'est que l'affrontement a tourné à la violence. En 2011, les géants du Domino's Pizza de Lake City en Floride ont incendié un Papa John's afin de gonfler leur chiffre d'affaires. Hallucinant quand même. Et un petit bonus surprenant, l'une des premières sociétés de pizza surgelée aux États-Unis a été créée par une famille dont le nom de famille est Pizza. Et ça, c'est pas un mythe, c'est un vrai... C'est une vraie nouvelle. Hein? C'était les 6 mythes, même je vous en ai donné 7, presque 6. Oui, j'en ai donné 7. Et j'espère que vous avez faim parce que moi, j'ai vraiment faim. Et si on a faim, quoi faire? Eh bien, aller se promener au zoo. Hein? Ben oui, un zoo dont on peut manger les animaux. Viens, Bambi, viens dans ma voiture. Viens dans ma voiture, je te ramène chez nous, puis je fais un braisé avec toi. Au menu du restaurant du parc animalier, le Winsins Park à Zurich, en Suisse, les clients peuvent trouver de la viande de chevreuil, des côtelettes de faon ou encore du marcassin braisé. J'avais pas vu la nouvelle, puis c'est pas mal ça, hein? Assez surprenant, encore plus lorsqu'on apprend que la viande des animaux provient du zoo lui-même. Le porte-parole du zoo de Winsins Wildness Park, pardon, Martin Kilchenman explique chaque année qu'une centaine de marcassins de faon viennent au monde. Faute de place, ils sont abattus et finissent dans l'assiette des visiteurs. Oh oh! Là, il y en a qui vont faire « Ouhou! » ils capotent. Donc, des centaines d'animaux sauvages du zoo de Zurich sont ainsi abattus, puis servis aux clients du restaurant du parc. Une pratique écologique. Le parc de Wildness Park justifie cette pratique en la déclarant qu'elle est très écologique. La présidente de la Société de protectrice des animaux, Oregon Ruth Wildmer, elle a déclaré qu'elle était choquée. Mais ça, hein, en 2014, on est souvent choqués. L'organisation est pas souvent pour les bonnes affaires, mais bon. L'Organisation de la protection des animaux, quatre pattes, souligne que de nombreux zoos et parcs animaliers en Allemagne et en Autriche réussissent à réguler l'effectif de leurs animaux sans les tuer. L'association quatre pattes évoque d'ailleurs les différentes méthodes qui permettent de réguler le nombre d'animaux, comme le sevrage, le transfert des bêtes dans un autre zoo ou encore la séparation des mâles et des femelles au bon temps. Hein, on le dit comme ça. Et puis sinon, on se fait un dernier top ici avant d'aller en musique. On se fait un dernier top avant d'aller en musique. Je vous parle des effets positifs de la bière sur la santé. Hier, c'était un top 11 des effets positifs du vin sur notre santé. Cette fois-ci, c'est les effets positifs de la bière et on a 11. Donc, vas-y, Danny, on y va tout de suite. On nous dit que la bière diminue les risques d'infarctus. Infarctus. Donc, c'est Top Santé qui l'affirme dans ses colonnes. Une étude ayant montré qu'une consommation régulière de 400 ml de bière améliore la circulation sanguine et l'échange de substances nutritives. Et n'essayez pas de gruger, ça marche moins avec de la bière sans alcool. Eh bien oui, l'étude montre aussi que ça ne marche pas avec la vodka, mais on s'en serait douté, hein, celle-là peut-être. La bière réduit aussi le diabète. Deux bières pour les hommes, une seule pour les femmes. C'est ce que préconise une étude espagnole pour lutter efficacement contre le diabète. Les humulones, principe actif du houblon, qui donne à la bière son goût amer, auraient en effet un effet préventif contre le diabète. Génial, pour vrai, vraiment génial. La bière aussi, troisième fait, hein, qui est positif sur la santé de boire votre bière, eh bien, c'est que la bière renforce les os. La formule magique, que même votre patron de bar ne connaît pas, c'est éthanol plus silicium plus phytoestrogène dans un verre de 50 centilitres. Eh bien, c'est le petit déjeuner des champions. Encore des chercheurs espagnols, toujours dans les bons coups, qui ont mené cette étude sur des femmes en leur faisant avaler une pinte par jour. Les examens au rayon X ont parlé « la bière rend invincible ». Par contre, examens au rayon X sur des femmes enceintes, je sais pas, j'ai juste une petite question de même, un peu bizarre. Quatrième point positif, eh bien, sur la bière ne fait pas grossir. Une pinte par jour contribuerait même à vous faire amincir. Donc, L'étude prend soin de préciser qu'il faut combiner ces binouzes avec de l'exercice et un régime alimentaire sérieux. Quand on dit des binouzes, là, c'est des bières. Hein? Mais la vitamine B9 dans nos verres à pression contribuerait à nos besoins journaliers sans peser sur la balance. Bonne idée. Cinquième fait positif sur la bière, eh bien, elle est hydratante, autant hydratante que l'eau après l'effort. On parle là d'un papier présenté au Symposium Bière et Santé qui s'est tenu en Belgique en 2011. Pour vous donner une idée du sérieux de la chose et de l'absence de lobbying, en tout cas, c'est un Espagnol, encore, c'est quoi leur problème? Eux autres, ils trippent vraiment en bière. Hein? Qui a trouvé ça? La bière, après un jogging, ça ne pose aucun problème dans le processus de réhydratation. Une bière à la mi-temps et on y retourne. Autre fait positif, eh bien, la bière prolonge contre les coups de froid. Encore là, une étude un peu douteuse, hein? Mais c'est ce qui me dérange là avec la bière. Hier, avec le vin, il n'y avait pas toujours cette petite connotation douteuse. Hein? C'était tout plus réaliste. Mais bon, on va aller voir. Hein? Elle a été commandée par un brasseur japonais. Je veux juste dire ça doit être Sapporo. Pas mal sûr, le plus grand brasseur au monde. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est Sapporo. Du coup, la bière devient la potion magique et contribue à examiner les virus, à exterminer les virus responsables des bronchites, des pneumonies. Et petite précision, pour que ce soit efficace, il faut s'enfiler une bonne trentaine de canettes. Maintenant, si vous êtes vraiment décidé à ne pas crever, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Boire de la bière. Parfait. La bière aussi protège des calculs rénaux. C'est l'American Journal of Epidemiology qui en est sur la consommation de bière réduit de 40% la formation de ces caillots horriblement douloureux dans les reins. En tout cas, ça marche pour les Finlandais, objet de cette étude. Ceci dit, le docteur Tero Hirvonen, en convient. C'est surtout parce qu'il y a de l'eau dans la bière que ça marche. Peu importe donc quel breuvage qui fait pisser, mais si vous pissez, ça devrait marcher. C'est assez clair, hein? La bière aussi améliore la mémoire. Ouf! Je dis ça de même. Elle permet aussi de prévenir contre l'Alzheimer. C'est en substance une des conclusions de l'étude de l'Université d'Auckland. Si vous buvez pour oublier, vous faites fausse route. L'alcool peut réveiller des souvenirs douloureux et vous inciter à peut-être boire plus. Au final, vous aurez juste oublié où vous avez laissé votre auto et vous aurez tout gagné peut-être. Quand même. La bière rend intelligent. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, hein? Non. C'est pas ça que je dirais. Mais bon, selon une étude de l'Université de Chicago, les hommes sont plus brillants après avoir avalé quelques bières. Pensez-y la prochaine fois que vous atterrirez dans un bar de poivreaux. Tous ces types accoudés au comptoir sont des potentiels prix Nobel. Justement, pas, hein? Ça, par exemple, hein, la bière rend heureux. Il n'y a pas que la santé dans votre corps qui compte, hein? Il y a aussi la santé mentale. Et si vous avez pu observer ces gens imbibés de houblon qui avaient l'air particulièrement heureux, voire même heureux au point de ne plus savoir où ils habitent et même au point de vous faire être malheureux, vous, hein? Sachez qu'une étude américaine s'est penchée sur le sujet. On y apprend que le goût de la bière déclenche la sécrétion de dopamine et un test sur des échantillons de cobayes, la moitié tournant à la bière et l'autre au Gatorade, montre très clairement que les buveurs de bière sont plus heureux et en redemandent. C'est peut-être ça qui est le problème, hein? Et sinon, la bière protège du cancer du barbecue. C'est en tout cas comme ça qu'on résumera cette étude relayée par Metro News. Mais on va quand même le croire puisqu'elle nous explique que la bière permet d'atténuer les effets cancérigènes de la bidoche cramée au barbecue, donc de la viande qui est un peu brûlée du barbecue. Pour info, c'est surtout la bière brune qui est efficace en marinade préalablement à la cuisson. Si vous en buvez une ou deux entre deux saucisses, ça peut pas faire de mal non plus, hein? Bonne bière! Sur ce, eh bien, on va aller avec une pièce tout à fait désignée pour l'alcool. Vous allez comprendre si vous écoutez le texte. C'est notre ami Philippe Brac qui était dans nos studios hier. Belle entrevue, hein? Facile à trouver. Allez sur le SoundCloud de C'est fou si vous voulez la réécouter, si vous l'avez ratée. Elle sera aussi dans les meilleurs moments des quotidiennes de C'est fou, donc qui sont diffusées les vendredis à 7h. Mais là, on s'en va écouter Philippe Brac et la pièce « C'est tout oublié ». Vous avez compris, alcool, tout oublié, écoutez bien le texte. « quand je te cherche dans mon verre plein, je me retrouve dans mon verre vide. Puis là, je deviens tout sec, puis beaucoup trop lucide. Je redeviens à jeun, je commence à dire n'importe quoi. Puis tout au fond de moi, ça croit, oui, j'ai plus peur de moi. Ça fait que débarque au bord, puis prépare mon salut tes pieds. Oh, moi, shooter de Jagger, que je passe en dame à mer. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Et je pourrais t'oublier. C'est tout oublié. Je pourrais t'oublier. Votre corps a fait un pas un corps. Tu, ton absence assassine Rome. Je me tiendrai comme un homme. Scotch, scotch, je me rallume un autre botch. J'ai mal au cœur. Ça fait que débarque au bord, puis prépare mon salut tes pieds. Oh, moi, shooter de Jagger, que je fasse son dame à mer. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Je pourrais t'oublier, mais c'est tout oublié. Le talentueux Philippe Braque et la pièce Tout oublié. Hein, c'est tout oublié. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. C'est là que ça se passe, on mange une malbouffe. Voici une grosse pointe d'allresse. Une grosse pointe d'allresse où on mange quelque chose de malsain sans que tu saches ce que c'est. C'est moi qui décide, c'est ma chronique. Et je vais toujours. C'est beau. Et je vais toujours avec quelque chose que moi j'ai jamais goûté. Toi, si tu as déjà goûté, ben c'est pas mon problème. Moi, je décide pas. C'est de même. Dans ma face. Ben c'est ça. Puis on mange tout le temps quelque chose qui a pas de classe ou tu sais qui est pas bon pour la santé. Comme par exemple cette semaine, je sors ça de mon sac magique. Non, ça existe déjà, ça. Tout est magique, hein. C'est magique. Est-ce que tu te rappelles du spoiler que je t'ai dit? Enfin, je t'ai déjà mentionné le produit en ondes même que ça allait avoir lieu. Est-ce que ça dit quelque chose? Ah, oh, mon Dieu! Ben, je me souviens que tu me l'as dit, mais je m'en... Ah oui, je pense que je l'ai! Oui! C'est les superbes nouvelles barres tendres, citrouille et garniture à la vanille, Muffin Max de Leclerc. Oui. Ça fait longtemps, ben en fait pas longtemps, ça fait plusieurs semaines, mettons que c'est sur le marché, et on les croise et on se dit, hey, je devrais en acheter, puis là on fait, ah non, c'est trop sucré, ah non, ça. Moi je les ai achetés, puis on va goûter, bon. C'est parfait ça. On va goûter. Parce que moi, je les aurais pas achetés. Non, mais hein. Mais je suis vraiment contente d'y goûter parce que je les ai vus la semaine dernière quand je suis allée acheter mes ingrédients au MasterChef. tu as fait des petits yeux doux. Je pense à toi quand je les ai vus. Ah, merci. On connaît donc les bâtons de Leclerc aux fruits d'habitude et à plein d'autres garnitures. Je sais pas, je pense que c'est dans mes préférés en termes de texture. Les biscuits Leclerc, les galettes. Je parle juste des bartendes Leclerc qui sont très très moelleuses. Je sais pas si la garniture goûte bien ce que c'est supposé goûter. Je trouve que les saveurs sont pas super intenses. Dans celles que j'ai goûtées, mais j'en ai pas goûté 1000, je vais vous dire ben franchement de Leclerc. Je sais que leurs biscuits sont tout simplement jouissifs. Là. C'est vrai qu'ils font de très très bons biscuits. Même si le slogan d'habitude c'est Monsieur Christie qui fait de très bons biscuits. Leclerc il pourrait dire nous aussi on fait des bons biscuits. Ce que je remarque sur la boîte de ces Muffin Max, premièrement c'est édition limitée. C'est ça qui nous titille, là. C'est ça, parce qu'il n'y en aura pas trop longtemps. Si on les aime, on va être déçus quand ils vont s'en aller, puis ça va revenir l'année prochaine. Un peu comme les lattés à la citrouille chez Starbucks, qui est un succès à chaque année et que les gens attendent vraiment le jour même où ça sort pour y aller. Puis il y a des grosses pancartes, genre Spiced Pumpkin Latte, le SPL. C'est tellement populaire aux États-Unis qu'ils utilisent l'acronyme SPL. Wow. Sur les affiches, puis les gens savent ce que c'est. Au Québec, on a des Starbucks, ils utilisent aussi le SPL. Et personne ne sait quoi. Sauf qu'en dessous, c'est marqué latte citrouille épicé. Fait que ça marche pas. Un LSE, donc, tu sais. Ouais. Peut-être que tu pourrais changer l'acronyme au Québec, mais bon, c'est ça de même. T'sais. Non, il faut que ça soit international. Ben, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que la citrouille, c'est quelque chose qui s'adapte à pas mal tous les produits. Je pense que chaque compagnie a au moins, dans l'alimentation, au moins un produit à citrouille. Ben, c'est il nécessaire. Le faut. Donc ici, édition limitée avec des petites feuilles d'automne dessus. Si tu peux voir les feuilles automnales orange et brune. C'est écrit sur le côté « texture moelleuse ». J'imagine qu'il fallait préciser que c'est pas du sec. Pourquoi est-ce que ça aurait été? Parce que ça aurait pu être des biscuits. C'est pas obligé d'être débordant. J'avoue, mais... Ça aurait pu être des biscuits fourrés. C'est sûr, mais les muffins Max, en général, c'est supposé être du muffin. Ouais, mais quelqu'un qui le sait pas. Quelqu'un qui le sait pas, puis qui sait pas lire le gros logo Muffin Max et le 7 bar muffin dans le coin de la boîte, peut-être. Y a absence d'arachides, donc parfait pour ceux qui ont une petite allergie aux arachides. Ou une grosse. Ou une grosse, c'est comme ça vous tente. Parmi les ingrédients, tiens, il y a de la poudre de yogourt. Ça vient de me sauter à l'œil, j'aurais pas pensé à ça. C'est plein de lactose. C'est sûr, ça. Tous les produits à date, on dirait. Farine de blé, garniture à la vanille. Il y a des arômes, évidemment, naturels. Huile de palme. Filet à saveur de yogourt. Donc, l'intérieur, garniture à la vanille, c'est composé de yogourt. C'est intéressant. C'est cool. On sait que Leclerc, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1905. Et je pense que c'est pas mal le tour des informations. Ah, tiens, ah non, il y a du petit ajout sur le dessus de la boîte. C'est rare qu'on met les informations sur le dessus. C'est rare qu'on cœur le dessus. Oui. Allez, faites-vous plaisir avec Muffin Max. Moelleuse à souhait, les barres muffins de Leclerc sont irrésistibles. Ne soyez pas étonnés de vouloir en déguster plus qu'une. Ça, j'avoue que c'est mon problème. Quand je mange une barre tendre, là, présentement, je suis sur les matins muffins matins de... c'est qui fait ça déjà? Les boîtes jaunes, je l'ai amené à un moment donné. En tout cas, bref. Fibre 1? Non. C'est marqué Matin Muffin. Belle Vita, non? Non. Sais pas. En tout cas, peu importe, mais ils sont super bons. Là. Tenez-vous là pour le dit. Et oui, j'en mange rarement une. C'est pas mal de tout le temps. Mais je suis un maudit cochon, hein? Tu sais, je te passe la boîte de Muffin Max citrouille à la garniture à la vanille. Et on va ouvrir ça, évidemment, dans notre célèbre micro magique, la marque de commerce même de notre chronique. Une grosse pointe en dresse. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a 7 dedans. C'est pas mal, 7, hein? D'habitude, c'est 5. J'avoue, 5, 6, mais là, 7, on y va pour vraiment battre un record. On va être petite. Sûrement, oui. Date, ça va bien. C'est du carton à date. Tout va bien. Ça, j'ai eu ça, ces boîtes-là qui font ça de même. On dirait que c'est comme collé sur le côté, il faut que tu forces pour l'ouvrir. T'sais. Mais je pense que ça gaspille moins de carton parce que c'est comme un seul grand panneau de carton. Oh, on vient de sortir une barre. Est-ce qu'elles sont si petites que ça? Oui. Oui. Oh, OK, en effet, oui, c'est plus petit que j'aurais même pensé. C'est petit. Je te dirais que... c'est pas long, là. Non, mais... C'est à peu près la longueur de mon pouce. On n'est pas très bon en longueur, Steph et moi, je pense. Ben, un pouce à la longueur de mon pouce. Un pouce de Stéphanie Paradis. Je pense que c'est la mesure officielle. Mais non, je dirais, c'est pas bien plus que quoi... je dirais... C'est 37 grammes, là-bas. 12 centimètres. Ouais, c'est pas beaucoup. 37 grammes, t'as dit? C'est pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que si tu penses, mettons, une barre Mars, une barre de chocolat, c'est pas à peu près 120 d'habitude, 120 grammes. Ouais, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Fait que c'est plus petit qu'une barre Mars, là. Ouais. Y a pas d'informations à ajouter sur l'emballage. C'est encore marqué texture moelleuse. Y a les informations nutritionnelles dont on se fout complètement. Et donc, on va juste ouvrir notre barre Muffin Max live, là. Oh, c'est pas comme sur la boîte. Est-ce que c'est visuellement plus plate, plus beau? Ben moi, j'ai eu du glaçage juste d'un côté. OK. Et t'as le stuff qui sort au bout. Donc moi, je suis curieux, je veux juste comme goûter le stuff qui dépasse. Juste le stuff, on va lécher le stuff. Ben, il est très sec. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est très, très citrouillé. Beaucoup. Non, c'est très épicé. Oui, oui, en effet. Ça goûte de la pain d'épices. Oui. À date, ça, j'aime quand même ça, mais il y a comme un petit arrière-goût, je trouve. À la crème, on va goûter une vraie bouchée. C'est pas si moelleux. Correct, mettons. Ça goûte tout simplement le pain d'épices. Ouais. Et est-ce que tu goûtes beaucoup la vanille dans la garniture? Non. Non, moi non plus. Mais si je comprends bien la boîte, vu que ça dit citrouille avec garniture à la vanille, j'imagine que ce qui est supposé être à la citrouille, c'est le muffin autour. Probablement. Et comme tu as dit, ça goûte plus le pain d'épices, alors que la vanille goûte aussi le pain d'épices. Donc je pense que c'est peut-être la même recette. Je te dirais que ça goûte les épices. Mm-hmm. Mais oh ouais, j'ai vraiment l'impression de manger du pain d'épices. Là. Mm-hmm. Mais avec l'huile de palme en plus. Mais est-ce que c'est juste moi? Il me semble que c'est pas aussi moelleux que ça aurait pu l'être. Je suis tout à fait d'accord. Mm-hmm. Ça aurait pu être plus moelleux. Mm-hmm. C'est très consistant. C'est presque lourd à mâcher. Puis je trouve que la barre est tellement sucrée que j'arrêterai après une, peut-être. Ouais. Même si elle est quand même petite, je sais pas si je me garnirais d'une deuxième comme un muffin normal. Mais non, c'est bon. C'est pas super citrouillé. C'est un dessert. Oublie ça. C'est pas un déjeuner du tout. C'est un dessert. Ouais. Mais, je sais pas. Je pense pas que j'en rachèterais. Je pense pas que j'aurais hâte à l'année prochaine. Puis je dirais, oh, il me faut absolument ma barre tendre Muffin Max à citrouille. Mais c'est super bon, mais... Oui, c'est super bon. Je peux faire la même chose chez nous avec... pas d'ingrédients mauvais pour la santé. Ouais, toi, il y a bien des choses que tu peux faire chez vous, tu sais. moi, la paresse l'emporte sur ça. Mais tu pourrais le faire chez vous. Ouais. Non. Il y en, a 7 barres, tu sais. J'en ai assez pour la semaine, tu sais. 7 jours. Non, je viens d'en manger une. Non, c'est vrai. 6. Ben, il en reste 5 pour les 5 prochains jours. Voilà pour les barres Muffin Max, citrouille à la garniture à la vanille. Mais le goût épicé est super bien présent. Mm-hmm. Sauf que citrouille et vanille, c'est pas présent. Ou j'aurais appelé ça carrément des barres pain d'épices. Oui, ça aurait été pas mal meilleur comme appellation. Tiens, étant donné qu'on a mangé un petit peu, on va laisser descendre ça en parlant de nouvelles de fast-food. On revient chez McDo. La semaine passée, on a parlé pas mal de McDo. Oui, oui. Ben, McDo qui essaie maintenant un système, une idée de création de votre propre combo à 5$ dans certains McDonald's en Géorgie. Selon burgerbusiness.com, c'est un combo à faire soi-même qui permet de choisir un article... parmi 4 sandwich Dollar Menu and More, c'est leur menu valeur. Tu as le choix entre soit un double cheeseburger, bacon cheddar, McPoulet bacon McDouble, ou le Bacon Ranch McChicken, McPoulet Bacon Ranch. Ensuite, tu peux ajouter deux à côté dans une poignée d'options. Tu as une frite moyenne, quatre McCroquettes, une salade d'accompagnement, un petit chausson, un sundae ou un cornet de crème glacée. Et ensuite, tu choisis ton breuvage. Donc, soit une boisson moyenne, un thé glacé, une eau en bouteille, un café glacé moyen. Et pour $1 de plus, tu as l'option d'avoir un petit McCafé shake ou frappé. Et donc, le plan combo va certainement pas aider les franchises qui ont de moins en moins de profits parce que les gens vont prendre tout le temps des menus McValeur. Je pense que la façon la plus simple d'économiser de l'argent chez McDonald's, c'est de prendre tout le temps du McValeur parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un burger. Donc, les marges de profit sont moins élevées. Et j'imagine qu'ils vont faire aussi beaucoup moins de profits sur un combo comme celui-là. Ça ressemble à un trio normal, sauf que tu as plus de variété, plus d'options. C'est vraiment pas cher. Ça coûte moins cher, 5$. Ouais. Puis, mais c'est plus qu'un trio. T'as deux à côté plus ta boisson. Ouais. C'est un quatuor. C'est le deux à côté qui surprend, en effet. C'est un quatuor. Un quatuor. Tu peux avoir une frite, puis tu peux avoir un sundae avec. Ça n'a pas de bon sens. Là. Toi, tu ferais quoi? Moi, c'est sûr que je ferais frites et McCroquettes avec probablement le Bacon Ranch McPoulet. Ben, moi, j'aime pas les burgers du McDo. Même ça au poulet? Non, j'aime pas ça. Okay. Bon. Moi, je mange juste des croquettes. Parfait. Mais il n'y a pas ça dans le. Ben moi, je prends. Juste l'accompagnement. Non, mais c'est ça. Attends. Moi, je prends deux à côté. OK. Je te donne mon burger. OK, cool. Puis tu me donnes ton sundae. OK, je suis partant. On fait ça en Géorgie, tantôt. Bien ça. J'espère que tu parles de l'État, au moins des États-Unis. C'est ça, non, c'est l'État. Le pays, ouais. Exact. On reste chez McDo. Est-ce que tu aimerais pouvoir acheter un hamburger? Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je joue le rôle de quelqu'un qui aimerait ça. Avec des canettes de bière. Ah, ben oui. Ou de liqueur. Ben donc, oui. Si tu as envie de Big Mac, mais tu ne veux pas dépenser d'argent, on nous rapporte chez Fast Company qui a une campagne par McDonald's en Suède, qui non seulement vont encourager les clients à donner leur canette de liqueur ou peu importe contre les burgers, mais c'est aussi fournir les sacs dans lesquels mettre les canettes. Donc, de petits panneaux à Stockholm présentent ce programme-là qui donne aux clients l'option d'un hamburger ou un cheeseburger gratuit contre 10 canettes. C'est pas cher. C'est quoi? C'est dans le fond 10 canettes à 50 cents, c'est ça. Ensuite, sinon, un Big Mac qui est plus gros pour 40 canettes. Là, je pense qu'on ambitionne un petit peu là, parce que la différence entre un Big Mac et un cheeseburger est pas mal plus petite que x4. C'est pas 4 fois le prix, là. Mais bon, il manque 40 canettes quand même. C'est pas grave, ça reste pas cher. Ça reste pas cher. Donc, tout ça dans un grand sac noir de plastique qu'on peut amener directement chez McDonald's. On voit le sac sur assemblagerequis.com. Ça ressemble à un sac à poubelle. Avec nous acceptons maintenant les cartes, cadeaux et autres, l'argent et les canettes chez McDonald's. C'est pas un peu inspiré des métros où tu pouvais payer tes tickets de métro avec tes canettes? J'ai pas entendu parler de ça. Non? Non. Ils faisaient ça pour justement recycler... les bouteilles, tu pouvais mettre tes bouteilles puis ça t'avait tes billets de métro comme ça. Génial, ça c'est une très bonne idée aussi. Au Japon, on vend dans un fast-food un hamburger à $12. C'est un hamburger de luxe. Pour ceux qui aiment le bœuf japonais, c'est la chaîne d'hamburger Lotteria qui sort sa ligne de luxe entre $12 et $15 par hamburger. Le 29 de chaque mois jusqu'au mois de mars prochain, ils vont avoir des burgers fabriqués à partir de bœuf japonais de luxe. C'est le chiffre 29, en fait, qui est un jeu de mots au Japon. Qui t'as tout, qui veut dire... en fait, qui est ni en japonais et nine qui est kyu. Donc, tu les mets ensemble, ça fait nikyu. Et le mot nikyu, 29, ça sonne comme le mot nikyu qui est aussi viande. Ah. Donc, par exemple, aussi, tu as ce mois-ci le Hokkaido Japanese Beef Hamburg Steak Burger qui est apparemment super délicieux. Et selon Yahoo News Japan, le prochain va être le Yamagata, donc une autre sorte de bœuf. Et en janvier, ça va être le Kobe Beef. Donc, présentement, on dit que Lotteria a un burger, dans le fond, offre des burgers récompenses. À la fin d'un mois, le 29, quand t'arrives, t'as le burger de luxe pour te récompenser d'avoir survécu à ton mois. Si on... C'est quand même dispendieux. $12 pour ce que ça donne. Je veux dire, c'est des burgers comme bien ordinaires. Hein? C'est ça, c'est juste le bœuf qui est de bonne qualité. Ah, c'est du bœuf Wagyu. Du bœuf comment? Du bœuf Wagyu. Wagyu? Celui-là que tu vois là, Wagyu? Ben là? C'est ça qui est écrit. OK, ben il y en avait plusieurs sortes. Il y avait le Yamagata, le Saga. Et ben je connais le Wagyu. Okay, mais je sais que c'est dispendieux. C'est Ensuite, c'est un burger au beurre d'arachide et bacon sur un lit de trucs au Rice Krispies sucré. Ah! Ouais. le Rice Krispies Treat Bun Peanut Butter Bacon Burger, fabriqué par Nash Ruin, qu'on appelle le chef vulgaire, Vulgar Chef. Je pense que ça a de vulgaire en tant que tel, c'est peut-être juste différent. Non, non, c'est vulgaire. Regarde ça, c'est vulgaire. Est-ce que tu essaierais ce genre de recette-là? Je pense qu'on l'a décrit dans le titre pas mal bien, là, mais c'est vraiment des carrés Rice Krispies achetés en magasin, donc même pas fabriqués soi-même. Et ensuite, on met bacon, du bœuf, du beurre d'arachide et un autre carré Rice Krispies. Oh, je suis pas vulgaire à ce point-là. C'est trop pour toi? J'ai plus de classe que ça. Tu me surprends. Pardon? Non, mais que tu veuilles pas essayer cette nouveauté. Mais c'est parce que j'ai tellement... Je l'essaierais si quelqu'un me le donnait, ouais? Mais on dirait que j'ai peur de perdre mon temps. Ouais. Puis manger ça pour faire comme arc. Parce que d'imaginer les saveurs, je trippe pas. Ouais. As-tu vu comment le bacon a l'air bon? Probablement qu'ils l'ont mis sur du papier d'aluminium replié pour que ça fasse du bacon ondulé. Des petites vagues. Moi, je mangerais juste le bacon là-dedans. Là. On retourne au Japon où on sert un hamburger au spaghetti. Ah, après la pizza Getty. Exact. Le spaghetti burger offert par une chaîne de fast-food majeure au Japon. On l'appelle le Napolitan Burger, créé par... comment? Je sais pourquoi il l'appelle le Nepal. Nepal. C'est le Napolitan. Écrit par le chef japonais Tatsuya Kawago. Servi sur deux pains, le burger napolitain est fait avec de la viande de première qualité et des pâtes, bien sûr de bonne qualité aussi, de la sauce napolitaine, d'où le nom, et un morceau de laitue. Selon Nari Nari, le burger va être vendu pour un temps limité au Japon pour 4$ environ. Raisonnable quand même. Et j'avoue que c'est un mélange que j'aurais pas pensé à faire. Miam. Je suis certaine que c'est bon. Peut-être avec des champignons, même dans la sauce à spaghetti. Puis tu peux vraiment faire la recette que tu veux de sauce à spaghetti et la recette que tu veux de viande. Et la combinaison ensemble va être gagnante. Une pizza maintenant avec une croûte faite à partir de frites. Oh! Rien de mieux avec une pizza que des frites, mais si t'enlèves la croûte... Moi, premièrement, t'enlèves pas ma croûte de pizza. Là. J'ai vu les gens, on était chez Pizza Hut hier, les gens achetaient leur croûte. J'étais comme dans outrage. Là. Je comprends pas ça. Mais bon. Donc, une croûte faite à partir de frites. Pardon. Ça monte les calories dans plusieurs milliers, ça c'est certain. Mais bon. Il y a plusieurs gens qui ont essayé. Mais non, mais tu manges ça, tu commences pas à compter tes calories quand tu manges ça, là. Non, c'est ça. Puis on s'était dit que dans cette chronique-là, les calories, on s'en foutait. Donc chez Foodinese, on a réussi à faire la bonne recette parce que habituellement, les gens essayaient et c'était un échec total. Leur pâte à partir de frites. Mais chez Foodinese, ils ont réussi. Et pour tenir les frites ensemble, évidemment, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont pris? Du fromage, bien sûr, tout ça pour tenir. Après ça, tu sers ça avec du ketchup ou de la vinaigrette ranch. Il y a un petit peu plus de sauce à pizza sur le dessus de tout ça. Et ça donne la recette parfaite que vous pourrez trouver sur assemblagerequis.com. Je t'avoue, j'ai un petit peu mal au cœur. Non, à peine. Ben, de bord, peut-être que tu serais plus capable de manger cette pizza Little Caesar fabriquée à partir d'une croûte de bretzel. Un peu comme la mode est présentement au pain bretzel pour les hamburgers. Oh. Tu savais qu'il y avait une mode de ça aux États-Unis? C'est bien la mode, les pain burgers bretzel? Ça doit être assez fou. Ouais, c'est vraiment c'est 89 ans. C'est pas mal 89 ans. Donc, leur gamique, c'est un compétiteur de Pizza Hut, c'est la chaîne Little Caesar. Leur gamique, c'est qu'ils ont tout le temps des pizzas chaude et prête, hot and ready. Donc, quand tu as envie d'une pizza, tu passes au restaurant, il y en a toujours de prêtes. Tu pars avec, elles sont toujours fraîchement faites parce qu'il y a un gros roulement. Okay. C'est tout le temps prêt pour toi. Donc, par les heures de grand. C'est quoi les heures de grand écoute, c'est ça? Les heures de grand. De grand mangeur. Ouais, c'est ça, mais non. Donc, présentement, ils suivent la mode avec leur croûte faite avec du bretzel. Ça a l'air super bon. Ça va être disponible pour 6$ chez, comme option Hot and Ready. Donc, elle va être prête tout le temps dès le départ. Il y a une sauce au cheddar et un mélange de 6 fromages qui sont fondus par-dessus tout ça. Et on peut appeler à l'avance et avoir une sauce tomate sur ta croûte bretzel à la place. Parce que ça, c'est une croûte, pas une croûte, mais une sauce au cheddar. C'est super. Intéressant. Ça, j'y goûterais. Oh que oui! Voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse pour aujourd'hui. Ouais. Bon, ben tabarouette. Hein, ça en est-tu des affaires, ça? Je suis pleine, moi. C'est plein, plein. On fait une grosse pointe à l'adresse en fin d'émission. Elle est mardi à Assemblage Requis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Midi bien pile dans cette belle émission du dîner de cons en ce 7 octobre 2014. Et comme je l'avais promis, eh bien, on va aller discuter avec quelqu'un Je vous le présente, il vient du Saguenay. Il fait de la musique sans compromis, d'un mélange rock, folk, parfois un peu country. Pour moi, en tout cas, il possède le fameux son du lac, qui peut nous rappeler des Fred Fortin, Olivier Langevin, Dédé Fortin, bien sûr, des Colocs. Dans sa façon d'écrire, est à la fois lumineuse, festive, mais en même temps très, très ancrée dans la dure réalité de la vie. Et un peu comme explique son titre de son album, qui s'appelle La Foire et l'Ordre, sorti dernièrement. C'est un artiste complet. Mature et talentueux, malgré son jeune âge, quand même, je reçois Philippe Braque. Salut Philippe. Salut Dani, ça va? Ben toi, ça va? Oui, absolument. Yes, oui, oui, je suis content de te recevoir. Très content d'être ici, pour vrai. Ouais, puis moi, c'est drôle parce que t'es comme apparu dans mon paysage musical, il n'y a pas tellement longtemps. Je me promenais, puis je suis allé voir, c'était la Fabrique culturelle. J'ai vu la capsule que tu jouais, Ressac sur le corps, c'est ça? Sur ta peau. Sur ta peau. Ouais. Et puis... complètement, c'est la première fois que j'entendais ton nom, c'est la première fois que je te voyais. J'ai adoré ce que j'ai vu. Et puis pourtant, c'est pas du tout le genre qui me touche d'habitude. Ouais, qui tease. Vraiment, non. Okay. Moi, j'écoute vraiment de tout, mais là, c'était comme faute. D'habitude, j'ai pas nécessairement cette facilité-là. Puis j'ai pas été capable de pas l'écouter jusqu'à la fin de la capsule. Ouais. Alors, je suis vraiment, vraiment content de te recevoir. Cool. J'aimerais ça savoir justement qu'est-ce qui t'influence, mais pas nécessairement musical. Qu'est-ce qui t'a porté à faire ce que tu fais aujourd'hui? De créer, ça s'est manifesté pas mal au cégep, je te dirais. Là. C'est ça. Créer, c'est devenu une nécessité en soi, dans le fond. C'est plus de diffuser ma création qui est devenu un plaisir, puis que j'ai décidé de prendre ça comme canal pour essayer de vivre, finalement. OK. Mais, ouais, ça a vraiment starté au cégep, puis je sais pas, je me suis mis à écrire des textes, à jouer un peu de guitare, puis... Puis qu'est-ce que t'écoutais? Y a-tu des artistes qui t'ont vraiment marqué, qui a dit « Ah, ça, j'aimerais ouais, ça ben, faire ce qu'ils font? » C'est un peu triste, là, mais moi, j'ai un iPod, une jig, puis... Ouais. Fait que j'écoute la même marde depuis 15 ans, genre. Puis à chaque année, il y a un album qui se rajoute, puis genre... T'en enlèves un. C'est ça. Puis, fait que c'est un peu triste, là. Je lis pas, puis j'écoute pas de musique dans vie, mais ce que j'écoute, c'est ça reste principalement de la musique des années 70, comme ben, beaucoup d'harmonium, Fred Fortin, c'est pas années 70, Fred Fortin, là, mais Fortin, harmonium, beaucoup de rap, Wu-Tang Clan, Beastie Boys, ça a été des grosses cool. influences, même si ça apparaît pas dans ce que je fais. Là. Ben tant mieux! Ouais. Mais j'aime ça, si tu viens de dire harmonium, puis à date, j'ai jamais vu dans les descriptions quoi que ce soit, puis j'ai dit, les voix de tête que tu fais font vraiment Fiori. Ah, c'est de la faute à Fiori, je fais les voix de tête. Là, clairement, j'ai trop écouté son vinyle quand j'étais au secondaire en fumant des battes, là, c'est officiel, ouais. C'est à cause de Fiori que je fais des voix de tête. Mais ça m'a tout de suite frappé, vraiment, parce que des fois, les gens disaient Bernard Adamus, tout ça. Moi, personnellement, je peux voir le lien. Ouais. Mais moi, j'aime pas le son trop sale que Adamus fait. Mm-hmm. J'ai vraiment, c'est pour ça que j'ai accroché dans ce que tu faisais, qui était hyper posé. Puis dans la toune, Ressac sur ta peau, t'as des méchantes pauses hallucinantes. Puis dans plusieurs de tes pièces, les silences sont importants. J'aime ça exploiter le silence. Je sais pas, je trouve que ça reste une corde raide aussi. Les gens sont comme pas trop... Même en show, les gens sont jamais sûrs quand la toune a fini. Ça prend un bon 10-15 secondes avant qu'il y en ait un qui fasse un début de clap. C'est-tu le silence? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ben, OK, ouais, alors, il est en train de changer de guitare. Je pense que c'est fini. Tu sais. Mais ouais. Non, ben c'est ça, je sais pas. Il y a de quoi dans le silence. Ça fait partie de la musique aussi, tu sais, de prendre des pauses. Oui. J'aime ça. Il y a beaucoup ça dans le classique, mais tu sais, il y a moins ça dans la musique plus contemporaine. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et tantôt, je disais, tu viens du Saguenay, mais tu viens du Saguenay, pas du lac. Très bonne question. J'ai dit pendant très longtemps que je venais du lac, j'ai renié mes origines. Okay. Je suis né dans le fond à Chicoutimi, puis j'ai resté 12 ans de temps à Alma. Okay. C'est ça que c'est Alma qui a fait qui est la base de ce que je suis aujourd'hui. Donc je dis que je viens d'Alma. Excellent. Oui. T'as à peu près tout gagné en 2013? J'ai gagné. C'était ton année. Mais tantôt, je le disais aussi, Buffet froid. On a déjà eu ça à la radio aussi, je pense. Oui, ça se peut, ça se peut. Parle-nous un peu de cette période. Ben, c'était un band de cégep, mais c'est aucunement péjoratif. Là. Non, c'est vraiment, on s'est rencontrés au cégep, on a commencé à faire ça, puis on est tous allés à Montréal dans le but de continuer ça. Puis finalement, on a signé un contrat, pour faire ça vite, là, un contrat de 3 albums sur 5 ans. avec un mégalomane. On a aussi un tas de marde avec des trous du cul là, pour faire une histoire courte. On connaît ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis, bref, on a cancellé avant même de sortir le premier album. Puis c'est cool parce que dans ce temps-là, on ne valait pas rien. OK. Ben, je ne vaux pas plus grand-chose aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on valait vraiment pas une scène. Fait que là, les gars, ils ont été quand même assez willing de juste canceller le contrat puis de passer à autre chose. Fait que, okay. Puis moi, après ça, j'ai décidé de prendre un focus sur ma carrière solo. Ça, c'est depuis 2012, genre, que tu focuses là-dessus. Ouais, ouais. Et puis tu viens de le dire, le changement, là, tu habites Montréal? Ouais. Depuis 4 ans. OK, puis ça, tu veux rester là? T'aimes-tu ça? Ben, tu sais, j'étais un gars de bois, là. Fait qu'au moins une fois par mois, il faut que je retourne dans le bois. Ça, okay. C'est officiel. Mais j'ai la possibilité et le privilège de le faire. Fait que je suis bien content. Mais parce que j'aime bien le buzz de la ville, mais à un moment donné, c'est comme, c'est moi patience, là. Genre, j'ai le goût d'être avec des animaux dans le bois. Puis, fait que, non, je suis quand même assez chanceux pour ça. Je m'évade au moins une fois mensuellement. Puis tantôt, je t'ai décrit, je t'ai fait une belle présentation, mais toi, si tu veux décrire Philippe Braque à quelqu'un qui le connaît pas... Moi, je me dis que c'est ta job de me décrire. Là. J'ai ce genre d'affaires, j'aime pas faire du tout. OK, ben d'abord, on va aller de plus simple. Un show de Philippe Braque, ça serait quoi? Ben pour vrai, c'est un show assez posé. Je sais où ce que je m'en vais, j'ai mes canevas puis tout, mais c'est officiel que je dérape pendant le show. J'aime ça partir sur une chip. En même temps, j'aime ça parce que les musiciens aussi, c'est des grands chums, puis ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Puis ben bref, eux autres, ça leur fait du bien aussi. J'aime ça les voir avec un sourire sur la scène. Quand tu pousses une joke que ça fait 15 000 fois que tu fais, ils n'ont pas le sourire sur la scène. Fait que ça me pousse à faire de l'impro finalement. T'sais. OK. Pis, est-ce que c'est un peu plus up-tempo des fois? Ben, en spectacle. Parce que c'est un spectacle, c'est pas ben, c'est évident. Sur une scène extérieure, on essaye toujours d'être vraiment up-tempo tout le long parce que tu veux pas des tunes relax sur une scène extérieure, t'en as rien à crisser. Là. Tu veux des tunes qui lèvent. Les gens veulent. C'est ça. Quand j'étais en salle, je me permets de pousser 3-4. Je préfère les shows en salle, je vais t'avouer. Parce que justement, tu peux pousser des tunes qui sont plus relax. Ça crée du relief dans le setlist finalement. T'sais. Je trouve ça cool. Génial. Hey, on va s'arrêter. On check-tu pour une petite. Petite prestation, monsieur. Absolument. Okay. Après, on va continuer nos petites questions parce que j'ai le goût que ça continue tout ça. Parfait. Alors, tu vas nous présenter quelle pièce? C'est une chanson qui s'appelle Ravin. C'est une chanson que j'ai écrite parce que, tu sais, on parle beaucoup des chansons pipi caca et tout. Puis, je voulais une chanson comme scato, ludique, pertinente. Ouais. Je pense pas qu'elle est pertinente, mais finalement, je l'ai trouvée sympathique, fait que je l'ai gardée. Exactement. Merci beaucoup. On t'écoute. Tu me téléphones avec ton téléphone. Tu m'attends avec ton temps. Tu ne m'écoutes pas avec tes oreilles. Tu ne vois rien avec tes yeux. Fait pourquoi que tu me chies pas dessus avec ton cul? Je me suis toujours demandé s'il valait mieux rester dans ta tête que sur mes deux pieds. S'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît 40 pleines. Fait que j'ai décidé de me déboucher. Pis de te flusher. Pis de te flusher. Parce que si t'étais un char, je serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben, je sais pas, c'est fou, je serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long qu'une pause. Yeah. Ça serait le fun qu'à t'en prenne. Du seuil de ta porte, j'ai fini de t'attendre. Comme une citrouille fin novembre. C'est même plus une question d'être capable, mais de joindre l'utile au désagréable. Parce que si t'étais un char, je serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben, j'serais ton rabbin. toujours besoin de quelqu'un ou bien quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long qu'une pause. Yeah. C'est un chant. C'est un chant. Si t'étais un char, je serais ton ravin. Wow, merci beaucoup. Plaisir. Excellent. Justement, si on parle collaboration, parce que oui. Tu as fait quand même pas mal de collaborations, peux-tu me parler comment c'est venu, tout ça, avec plusieurs artistes quand même assez intéressants? Dans le fond, j'ai réalisé l'album avec Pierre-Philippe Côté, Pilou. C'est un grand chum de toujours. C'est lui qui avait réalisé notre EP pour Buffet Froid, qui avait réalisé mon EP aussi solo. Puis c'était logique. C'était dans la suite des choses qui réalise l'album finalement. Puis c'est avec lui que je voulais le faire parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Puis qu'on se dit les vraies affaires. Fait que généralement, quand on trippe pas sur quelque chose, on le sait assez vite. Puis on passe à d'autres choses. T'sais. C'est que, puis ça, je trouvais ça important. Puis en plus, lui, il a accepté de coproduire l'album, ce qui fait qu'on n'a pas payé le studio. Pour enregistrer, ce qui fait qu'on a eu comme 9 mois pour faire l'album, ce qui est genre impossible en 2014. Ouais. Tu sais, mon prochain, je vais le faire en une semaine. Là, fait que c'est un autre astuce de buzz, mais fait que ça m'a permis de faire ça. Justin Allard, je le connaissais, je l'avais rencontré dans des festivals, puis j'avais joué 2-3 fois avec. C'est l'ancien drummer des Colocs, dans le fond. Puis ça a cliqué tout de suite, fait que tu sais, je l'ai invité en studio, il était bien crinqué, puis on jouait avec à cette heure. Puis il y a Rick Hayworth aussi qui est venu jouer. Ça, lui, je l'ai croisé dans 2 festivals. J'ai juste serré la main du salut. Puis j'avais le goût de jouer avec, fait que je l'ai appelé. Super smart, le gars. Il a fait ouais, ok, cool. Je m'ai fait ma table de genre de char pour venir au studio à Pilou. Puis il a vraiment été cool. Fait que bref, puis le reste, c'est mes grands chums avec qui je joue depuis toujours. Fait ben, peux-tu nous en parler? Je te mets à dire au moins les nommer. Pierre-Olivier Gagnon à la base dit bio. Et David Couture dit Rock Couture à la batterie et aux guitares. Excellent. Ouais. Je reviens tantôt, parce que j'aime ça sauter du coq à l'âne, tu l'as vu. Ouais. non, c'est pas grave, go, vas-y, je suis même. Ah ouais, absolument. Justement, tantôt, je parlais de la capsule, puis où est-ce que tu as tourné ça? La capsule, ça? Ouais. Je me fais te demander. J'essaie de tenir le message, puis je finis tout le temps par craquer puis dire que c'est un stunt, mais je vais le faire encore assez fou. C'est ça, c'est un stunt. Dans le fond, Barbare, eux autres, ils voulaient venir tourner chez nous. Moi, ça me tentait pas de me faire violer mon intimité. Fait que je voulais garder ça non public. puis je suis bénévole dans un refuge pour chats. Fait que j'ai donné l'adresse du refuge qui a de l'air complètement d'un appartement, puis j'ai rentré tout mon stock d'appartements dans le refuge. À part mes électroménagers, mais je leur ai dit qu'ils étaient dans une pièce qu'on pouvait pas aller. Fait que ça a passé comme dans du beurre. Puis je leur ai dit, mais après que ça a été diffusé finalement. Ben ouais. Moi, je me suis fait avoir. Ah ouais, il y a pas mal de monde. Ça a l'air d'être chez eux, sérieux. Ouais. Ben, tu sais, quand la production qui ont fait la vidéo puis le gars, l'animateur, se sont fait avoir, tu sais, il y a des bonnes chances qu'il y a tout le monde pogne. Ben, félicitations. Ouais. Puis justement, par rapport à ça, ce gros chat-là, c'est-tu un Maine Coon ou c'est un... Non, c'est un lynx. Ouais, c'est un lynx femelle, dans le fond. C'est plus petit un peu qu'un lynx normal. OK. Mais, fait que c'est à cause de ton lien avec le refuge pour chats que t'as eu ça? Non, ça, pas du tout. C'est une agence de casting pour animaux. Je suis rendu pas mal chumé avec tout ce qui se fait comme agence de casting pour animaux. Je peux avoir n'importe quelle bête, là, des poucheurs de bêtes. Mais pour vrai, je choisis mes trucs en fonction du respect des animaux quand même. Là. Mais c'est un gars qui restait pas loin de Sherbrooke qui avait ça sur un grand domaine de son terrain. J'ai demandé si je pouvais gosser avec. C'était pas super safe, pour vrai. Vraiment pas même. Là. Il m'a mordu, puis il m'a griffé. Puis, C'est pour ça que t'as la face que t'as, là. T'as quasiment peur. Non, mais pour vrai, non, pas tant. Mais tu sais, t'as pas le droit d'avoir peur à quelque part avec ces animaux-là parce qu'ils sentent, puis ils deviennent stressés, puis c'est là que tout chie. Fait que, nous autres, moi, j'étais arrivé là-bas. Le gars, il m'avait dit, je vais le dompter, tu sais, comme il faut. Puis, je vais le nourrir. Ben, tu sais, il m'a dit, genre, pour pas qu'il mange des pièces du jeu d'échecs, puis tout. Puis finalement, j'étais arrivé là, il a décalissé le jeu d'échecs. Il était zéro dompté. Mais, tu sais, ça reste. C'est domptable, c'est domesticable, mais dans une certaine mesure, parce que ça a des focus de 5 à 6 secondes. Fait que c'est super smart, 5 secondes, ça ronronne, puis 5 secondes plus tard, ça snap. Fait que, à la face. Ouais, c'est ça. Mais quand même, t'as réussi à aller voir chercher une très bonnes photos avec le jeu. Ouais, quand d'échecs, même, on a vraiment été chanceux, puis on s'en est même pas rendu compte de cette photo-là. On l'a vu après dans le tas des 200 photos qu'il avait pris vraiment rapidement. Fait que, ouais. Ça marche vraiment bien. Les projets futurs, là, justement, là, tu es en tournée de promo à Trois-Rivières en ce moment. Pour quel show? C'est le show, dans le fond, du 16 octobre, qui est jeudi prochain, à la salle Louis-Philippe Poisson. Okay. Et puis, c'est ça, c'est Formule Trio, dans le fond. On va avoir bien du fun. C'est sûr, on est allé voir la salle tantôt. C'est sûr que ça va être drôle. Salle intéressante. Ouais, c'est parfait, ça, là. C'est parfait. Excellent. Et puis, justement, les clips, parce que l'album est sorti en avril, si je ne me trompe pas. Ouais. Prochain, tu dois des jeux qui commencent à rentrer. Comme toi. Tu parles pour un prochain album? Je reviens d'une semaine dans le bois, puis j'ai clenché mon deuxième album c'est ça. C'est un album de 15 tunes, super pas accessible. Je pense pas que ça va lever comme album, mais je suis crispement fier, fait que je vais le sortir pareil. Puis, mais c'est ça, 15 tunes, genre 12 tunes de 3 minutes et moins. C'est vraiment fucké un peu comme buzz d'album. Puis, mais je pense déjà au troisième. C'est pas drôle, hein? Non, moi, j'adore ça. J'aime pas ça le monde qui s'assoit sur un album. Non, c'est ça. Personnellement, c'est ça. Mais je sais qu'à un moment donné, chance de faire de la muse. Ouais, puis tu sais, j'ai l'énergie créative qui vient avec. T'sais, je sais qu'à un moment donné, ça va sûrement être plus relax. Je vais peut-être prendre des plus grandes distances. Mais là, j'en profite. J'ai le goût de faire un album qui bouge au fond, puis le deuxième n'est pas pantoute. Fait que tu sais, je suis déjà en train de penser à mon troisième avec des grosses tunes qui groovent. Je ne peux que te dire, c'est une bonne idée. Puis les clips. Justement, j'ai aimé ça de voir sa capsule. Ouais, c'est ça. Il y a le clip de Le Matin des Raisons qu'on a sorti, qui est comme le seul clip officiel qu'on a finalement. Puis on check pour en sortir un autre de Ressac sur ta peau, justement. Mais c'est ça qui est fucké, là. Il y a Rémi Or, là, avec Vape et tout ça, qui ont acheté Max Fact, en fait, qui, eux, subventionnaient tous les clips qui se faisaient au Québec. Eux, comment ça marche, c'est qu'ils te donnent 15 000 $. Peu importe ton projet de clip, quand ils l'acceptent, ils te donnent 15 000 $. C'est ce qui fait que, tu sais, le trois quarts des clips qui sont faites avec le Max Fact. Mm-hmm. Puis là, c'est comme en suspens parce qu'ils viennent d'acheter, fait qu'ils savent même pas si ça va être renouvelé. Donc, l'industrie du vidéoclip, c'est assez, ça va s'en venir assez à do it yourself. Un peu comme le reste, ça disparaît. Ouais, c'est ça. On est rendu là. Hein. Fait que, c'est ça, on va resserrer le budget puis on va faire le même clip, mais personne va être payé. Tout à fait. Ouais. en tout cas, je suis très content. J'aimerais ça te demander, mais là, tantôt, tu m'as répondu dans ta question. Qu'est-ce qu'il y a dans ton iPod que tu pourrais nous faire découvrir? Tu sais, j'écoute bien gros, justement. Armand, Frank Zappa, je suis un gros fan. Puis, tu sais, il y a des albums qui pop-up. Tu sais, comme il y a des albums de 2008 que moi, je viens de découvrir, puis je capote. Tout le monde me dit, what the fuck, tu connais pas ça. Mais là, j'écoute bien gros Estelle avec Kanye West. American Boy, ça, c'est ma grosse découverte. Ça, c'est sorti en 2008, mais je capote, puis je trippe bien gros. Sinon, Alexandre Desilets, pour vrai, je peux pas te dire pourquoi, mais je trouve que c'est prodé, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup la production de ça, puis je connais toutes les tunes par cœur. Malgré moi, tu sais, au début, j'aimais pas ça pendant tout. Mon coloc s'est mis à faire tout le temps faire jouer ça. Puis je suis tombé en amour avec l'album. Donc, c'est mon album coup de cœur de l'année, en fait. Génial. Ouais. Je peux juste te remercier. Puis je peux juste te dire, on se rappelle le show. On va faire tirer des billets aussi pour le show du... Rappelle-moi la date. J'ai de la 16 octobre à la salle Louis-Philippe Poisson. Ouais. On va aller avec une pièce, puis on va lancer l'appel pour ça. Quelle pièce que tu voudrais qu'on écoute, justement? Je sais pas. Fais-toi plaisir ou fais-toi pas trop chier, là. Mettons qu'il y a rien pour te faire plaisir. Il y a pas grand-chose qui me fait chier. Sinon, j'aurais pas accepté l'entrevue. Pour vrai, moi, les entrevues, j'accepte juste ce que j'ai faire. Parfait. Pour vrai, parce qu'on en reçoit beaucoup. Puis il y en a que ça me dit juste rien. Puis tant qu'à être pas positif avec quelqu'un. Mais j'aime mieux recevoir juste les gens que je suis très intéressé. Très pur de ta part. Je suis comme ça, désolé. Non, c'est parfait, merci. Mais tu sais, on se fait des fois dire qu'on reçoit pas tout le monde, mais c'est parce que c'est justement, on n'est pas obligé de recevoir tout le monde. Ben non, c'est ça. Choisissez votre contenu, c'est parfait, ça. Ben moi, j'avais le goût d'aller écouter dans ma tête parce qu'il y a vraiment une tonne up-tempo que j'aime bien, bien gros. Ben, let's go. Fait qu'on va écouter ça. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation, merci. Quand tu auras d'autres choses, reviens nous voir n'importe quand. Ça va me faire plaisir. Pas de problème, ça va être un bonheur. Donc, on va aller écouter la pièce dans ma tête. Et puis, on ouvre les lignes. C'est le 3... Hey, j'en fais jamais de concours. 376, c'est fou, je pense. Je pense que c'est ça. Non, mais... 376-5183. Ouais, mais c'est parce que... Ah oui, on va y aller avec celle-là. 376-5183. Parce qu'il y en a un qu'on peut prendre les appels en nombre. Excuse-moi, je voulais pas. C'est parce que je me pensais bien fin, mais j'ai la pancarte dans la face. C'est le meilleur pour vrai. Donc, écoutez, Philippe, 376-5183 pour un show. Le 16 octobre prochain, Philippe Brac. On va aller écouter la pièce. Dans ma tête, je te remercie encore. Plaisir, merci à toi. Bonne journée. Yes, toi aussi. On est bien dans ma tête.

Dans Austin Powers, ils se servent de la soie dentaire comme fil pour sortir d'un... Ah oui! Pour traverser une espèce de je pense que c'est de l'eau avec des requins supersoniques. Je pense que c'était l'intrigue d'une saison complète de Six pieds dentaires. Je pense que c'était Six pieds sous terre. C'est une gag de Six pieds dentaires. Servez-vous de raisins congelés pour refroidir un verre de vin sans pour autant le diluer. On dit que c'est fait avec du vin, ça. C'est fait avec du raisin, en plus. Ben oui. Sinon, le truc que Gordon Ramsay m'a donné, personnellement. Gord. Hein? Donc, dans un seau à glace, OK, tu vas ajouter une bonne quantité de sel à l'eau et la glace, bien entendu. Tu vas ajouter une bonne quantité de sel. Et ça va faire baisser rapidement la température de l'eau. Et votre bouteille de vin devrait être froide en 6 minutes, top chrono. Oh, wow! Ça, c'est cool, parce que donc, c'est plus rapide qu'au frigo même. Et finalement, si tu veux faire du babeurre maison, donc c'est une recette qui demande du babeurre, mais t'en as pas. Donc, tu peux le faire toi-même en mélangeant une cuillère à soupe de jus de citron ou une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans une tasse de lait. Et tu laisses reposer sur le comptoir une dizaine de minutes avant de verser dans la préparation. Et voilà! Wow! Pas besoin d'acheter de babeurre pour seulement une recette. Super cool! Moi, je trouve qu'il devrait partir un réseau social pour les gens qui aiment la cuisine puis appellerait ça babeurre. Ça serait inspiré de Twitter. Tu comprends-tu le principe? Ah, moi, babeurre, ça me fait plus penser. Tu l'éléphant à babeurre? Comment? Babeurre, l'éléphant. L'éléphant, excuse-moi, ouais, t'as peut-être raison, ouais. Babeurre. Ben ouais, le conte pour enfants. Oui, ouais. Babeurre. C'est tout pour Master Steph. C'est tout pour aujourd'hui, puis on s'en va se délecter de ces galettes-là. Et si vous en voulez, passez au studio maintenant, j'en ai d'autres à vous offrir. Vous avez 3 secondes avant que ça disparaisse pour toujours. À peu près, oh, à peu oui, près. C'est une galette par seconde. On fait Master Steph, allez, mercredi à 9h, en fin de midi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. On va se coucher moins niaiseux à soir, ça c'est clair. Nous plongeons dans pourquoi le dîner de les petites briques Lego s'appellent midi cette semaine. Petites briques Lego, ou bien, tu sais, mettons, juste Lego, là, on dit pas petites briques. Donc, ce sont les petites briques en plastique les plus célèbres du monde, on le sait. On a Megablock qui a essayé, on a Playmobil qui a essayé, mais non, les meilleurs, c'est les Lego. Mais la marque Lego, saviez-vous qu'elle a été lancée en 1932 au Danemark et elle tire son nom du nom danois Leggot, qui signifie joue bien. Hein? L-E-G-G-O-D-T, c'est dans deux mots, Leggot. Et donc, ça dit « joue bien ». Cette contradiction a été imaginée par son fondateur, Ole Kirk Christensen. L'homme a d'ailleurs démenti l'idée reçue et très répandue selon laquelle le mot viendrait du latin « lego », qui veut dire « j'assemble ». Mais j'avoue que l'idée est parfaite, hein, parce que c'est vraiment ça. On assemble des choses ensemble. Vraiment, wow! Ole Kirk Christensen était auparavant un menuisier spécialisé dans la construction de maisons et il précise qu'il ignorait cette coïncidence lors de la construction de la société. Mais c'est quand même un heureux malheur. Un heureux hasard, pas malheur. Un heureux hasard. À ses débuts, il ne fabriquait d'ailleurs pas de célèbres briques à assembler, mais plutôt des petits jouets en bois. En effet, il inventa les briques avec son fils et les commercialisa à partir de 1949. Donc, la brique Lego existe depuis 1949. À noter que les figurines, telles que nous les connaissons, ont été lancées ou furent lancés en 1978. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, les bonhommes Lego étaient vraiment pas... Ils étaient plus gros. Ils étaient la grosseur d'un 4. Tu sais, une brique de 4, là. Un carré, OK? Ça, c'était le corps. Puis la tête, elle se plottait là-dessus. C'était ça. Ben oui, je suis vieux, hein? Mais moi, dans le temps, mes bonhommes Lego étaient pas comme des bonhommes Lego d'aujourd'hui. Je veux juste vous dire ça. C'est tout. Pourquoi le guide Michelin a-t-il été créé à l'origine? Aujourd'hui, il est devenu une référence dans le domaine de la gastronomie, mais le guide Michelin n'a pas toujours eu cette vocation. Je sais, moi, pourquoi, mais bon, je vais vous le dire. Publié pour la première fois en 1900 pour l'exposition universelle, les frères André et Édouard Michelin le distribuaient gratuitement pour tout achat de leurs pneus. À cette époque, la France comptait moins de 3000 automobiles. Non, 3000 automobilistes. Ben, c'est un peu la même chose. Le guide était alors conçu comme un guide de survie pour les conducteurs, réunissant les adresses des très, très rares garagistes, des médecins et des lieux à découvrir dans les plus grandes villes du pays. À partir de 1920, le guide Michelin a commencé à inclure les restaurants et les hôtels. Le système de classification par étoile n'est apparu, lui, qu'en 1926. Donc, le guide Michelin, c'était vraiment un guide pour l'automobiliste aguerri qui voulait partir à la découverte de son monde. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Justement, des garages, des stations d'essence, des lieux particuliers à visiter. Donc, c'est vraiment c'est le fun, le guide Michelin. C'est l'origine, donc c'était pour le tourisme en voiture. On y va avec le top 10 des effets positifs du vin sur votre santé. Premièrement, le vin vous aide à garder votre tête. Ben oui, le vin est bon pour la mémoire. Des scientifiques ont effectué des tests sur un groupe de femmes d'environ 70 ans et les résultats sont sans appel. Les femmes qui buvaient régulièrement un verre de vin ont obtenu un score bien plus concluant. Bref, tant que mémé vous dit « Hey, c'est marée basse ou quoi » en vous tendant son verre à table, c'est qu'elle va bien. OK, c'est ça, hein? C'est le petit commentaire. « Hey, remplis mon verre. » Sinon, le vin vous aidera à garder une taille de guêpe. Contrairement aux alcools plus forts ou à la bière qui est beaucoup plus calorique et bourrative, hein, le vin, quand il est bu avec modération, n'est pas mauvais pour votre régime. Au contraire, des études ont montré que les consommateurs modérés de vin ont une ceinture abdominale bien moins importante que ceux qui boivent d'autres alcools. Le secret, c'est qu'après l'absorption d'un verre, votre corps brûle plus de calories et ce, jusqu'à 90 minutes après. Hein? C'est-tu pas merveilleux? En plus, le vin renforce considérablement vos os. Surtout pour les femmes, d'ailleurs, car il est connu pour booster les estrogènes qui contrôlent l'activité des ostéoclastes, cellules dont le rôle est d'absorber, de réabsorber les vieux tissus osseux. Le vin est donc notamment pour les personnes âgées assez efficace contre les maladies telles que l'ostéosporose. Autre théorie moins courante, c'est qu'en picolant souvent et que vous vous pétez la gueule considérablement, voire vous vous battez contre les objets qu'à force, votre corps développe une résistance. Ça, c'est un petit peu de la niaiserie, mais quand même, hein, c'est vraiment intéressant. Sinon, le vin est efficace contre les saloperies de tumeurs. Ben oui, des scientifiques australiens ont réalisé une étude sur les cancers des ovaires et sont arrivés à la conclusion que les femmes qui buvaient régulièrement un verre de vin avaient une chance bien moindre de 50% de choper une maladie, donc des tumeurs aux ovaires, hein. Conclusion, de nombreuses études ont confirmé que ce sont les antioxydants et les phytoestrogènes qui sont retrouvés dans le vin qui provoquent cet effet. Peu importe c'est quoi, mais c'est bon pour nous et c'est bon pour vous. Sinon, aussi, autre effet bénéfique sur la santé du vin, eh bien, le vin vous permet de mieux dormir. Grâce à sa mélatonine, le vin, quand il est ingéré quelques heures avant le sommeil, permet de vous endormir plus facilement et plus paisiblement. Bien sûr, ici, on parle de doses variant de 50 à 100 millilitres. Hein? Si vous en buvez comme un cochon, vous allez certes dormir, mais on ne garantit pas que ce soit paisible, surtout au réveil. C'est ça, hein? Et là, 50 à 100 millilitres, je trouve que c'est un peu trop peu, hein? On pourrait aller avec une tasse, au moins. Le vin renforce votre système immunitaire. Rien qu'un demi-verre par jour peut vous aider à protéger des infections alimentaires dégueulasses du type salmonellose. Donc, si vraiment vous craquez pour ce traiteur chinois dont le buffet à volonté est seulement à 5 piastres, mettez-vous donc un verre de rouge. Avant, c'est peut-être mieux, ça va stériliser la bouffe qui est peut-être pas saine. Le vin aussi débouche vos artères. Hein? Si vous aimez le bacon, là, si vous aimez accompagner vos verres d'un bout de fromage ou de saucisson, ben c'est tant mieux, car ces saloperies si délicieuses, hein, bouchent vos artères. Moi, c'est le bacon. J'aime tout ça, le bacon. Sachez que, pas avec le vin, ça n'a pas rapport, mais je dis juste ce qui peut boucher mes artères, oui. Sachez que le vin, lui, débouche en moins de 2. Encore une fois, ce sont les antioxydants qui font le sale boulot. Le sale boulot. Merci, on adore ce que vous faites, les mecs. C'est très, très français, je le sais, mais c'est pas grave. Je vous en passe une de temps en temps. Des fois, je les oublie, là. C'est ça. Le vin aussi rend votre peau plus claire et moins ridée. Grâce à qui? Eh bien, répondez pas tous en même temps. On l'a dit 1000 fois que depuis le début, au top. Ici, indice, oui, encore une fois, les antioxydants. Ben oui, qui font un boulot considérable en matière de prévention des effets de la vieillesse. Certains SPA pratiquent même les bains au vin rouge. OK. ridicule, là. C'est moi qui est cave, là. Le SPA, c'est certains spas, tout simplement, pratiquent des bains au vin rouge et au mou de raisin. J'ai vu ça aussi dans des certaines crèmes là, de bonnes femmes, on pourrait dire. Eh, hey, je l'ai dit. Non, mais certaines crèmes au mou de raisin, donc remplies d'antioxydants, c'est merveilleux, le vin, pour vous et pour moi. Le vin aussi est excellent pour vos cheveux. On s'excuse, bien sûr, auprès de nos amis chauves, hein, et qui peuvent déjà commencer à partager ce petit top, car il n'y a plus rien d'intéressant pour eux à ce stade. Sachez que si vous aviez bu plus de rouge, vous auriez ingéré plus de Rivastarol, une substance qui ralentit considérablement la chute des cheveux. Pour les autres, bande de chanceux et bande de cheveux, sachez que le vin, quand il est utilisé après le lavage et le rinçage, contribue à donner de l'éclat à vos beaux cheveux. Il permet aussi une meilleure circulation des vaisseaux sanguins, ce qui réduit considérablement les risques de pellicules et autres trucs secs et un peu de gueux qui se trouvent sur votre crâne. Hein, des pellicules sur le crâne, comme tous les gars de la campagne. Le vin empêche vos dents de pourrir. Oh, c'est les polyphénols qu'il contient qui rend vos gencives plus résistantes et qui les empêche de s'enflammer. Ce petit malin de polyphénol a aussi un effet concret sur les mailles de vos dents. Il renforce et retarde donc le pourrissement certain. C'est-tu pas merveilleux, le vin? Eh bien oui, là-dessus, on en boit une à votre santé. Et là, je viens de trouver vraiment intéressant. OK. On va aller continuer. Il est sorti un top en même temps sur les effets positifs de boire de la bière. Mais là, on va y aller avec peut-être plutôt demain, hein, la chose là-dessus. Sinon ici, je vous fais le top 10 des spécialités de cuisine quand le chef se fout de votre gueule. Vous allez bien comprendre. C'est sûr que c'est à voir en image. On va passer très, très rapidement. Mais si on vous propose un maïs blond façon calabraise avec son émulsion fouettée de tomates ibériques, eh bien, vous pouvez être surpris d'avoir 4 grains de blé d'Inde dans le milieu d'une assiette avec 18 grains de poivre et une petite ligne de sauce tomate ibérique. J'espère qu'on ne vend pas ça cher. C'est épeurant aussi si on dit une réduction d'abricots d'Anjou servie en compoté raisin brun de Corinthe. Ben, c'est une assiette avec une petite Twitch, une cuillère de compote d'abricot, puis autour, il y a 4 raisins de Corinthe. Assez cheap, merci. Je dis pas que c'est pas bon, juste que c'est vraiment très, très cheap. Œuf fantasy et sa fanfaronnade d'olive verte. Eh bien, c'est un œuf, OK, qui est pas du tout cuit, dans une assiette, comme ça, il a juste cassé le truc. C'est juste le mot, hein, le terme. Oh, œuf fantasy et sa fanfaronnade d'olive verte. Et autour, 3 olives. Trouer, OK, des olives cheap, là, vraiment cheap, cheap, cheap. Ça remplit pas son homme non plus. Toujours à faire peur aussi si quelqu'un vous propose une réduction balsamique, tomate naine en carpaccio et émulsion d'œuf moutardé. Eh bien, c'est bien simple. Au milieu de la même petite assiette que tantôt, on a une petite réduction de vinaigre balsamique, ben niaiseux, 3 tranches de tomates en triangle, et puis 3 petits pouitch de mayonnaise, hein, parce qu'une émulsion d'œuf moutardé, entre vous et moi, c'est pas mal une mayonnaise. Sinon, un écrasé de pomme-grenaille, queue de persil en crudité, consommé de pigeon. Là, c'est encore aussi plus ridicule. Sérieux, t'as à peu près l'équivalent d'une cuillère dans toute l'assiette. Allez voir les images, c'est vraiment à voir. Et là, ça continue. C'est hallucinant. Petit salé aux lentilles revisitées. Ça aussi, c'est 4 cuillères de petites lentilles avec des petits... Vraiment, je le dis, mais c'est à voir. Je vais cesser ce top tout de suite. Et on va aller vers une assiette qui ne nous tentera pas du tout. C'est un chef qui a cuisiné les morceaux de sa petite amie. Ben oui, hein, c'est bien brillant. Des voisins s'étant plein de l'odeur, les enquêteurs se sont rendus samedi dans un appartement situé dans un quartier huppé de Brisbane. Ce qu'ils ont découvert a déclenché l'ouverture d'une enquête sur un meurtre suivi d'un suicide, dit-il. C'est le porte-parole de la police. La police donc se borne à confirmer que les restes humains ont été retrouvés dans l'appartement et le corps sans vie d'un homme découvert dans une rue avoisinante. OK. Donc, selon le journal, eh bien, l'homme âgé de 28 ans, étant un chef, travaillait à bord de navires de croisière. Il avait aménagé récemment dans cet appartement avec sa petite amie indonésienne. Le journal ajoute que les policiers y ont découvert des morceaux du corps de la petite amie en train de cuire dans une casserole et que l'homme s'est suicidé en se tranchant la gorge. La police s'est refusée à tout commentaire sur l'ensemble des informations. Formation. Une nouvelle tout à fait joyeuse. Non, mais calme. hein, c'est-tu assez morbide? On va changer de sujet totalement. On va aller vers quelque chose de plus loufoque. Oui, c'est triste, mais c'est tellement niaiseux que ça nous fait rire. Un bijoutier a vendu pour 6 millions d'euros de bijoux contre des billets de Monopoly. La technique semble grossière, mais pourtant, elle fait mouche souvent. C'est pas la première fois qu'on sort une nouvelle du genre. Hein. Un bijoutier grec venu à Paris pour réaliser la vente d'un lot de bijoux d'une valeur de 6 millions d'euros a été victime d'une escroquerie. C'est ce que rapporte le Parisien. Il a vendu sa précieuse cargaison contre des billets de Monopoly. Selon le journal, toujours, le bijoutier avait été contacté par deux mystérieux clients se disant français et souhaitant acquérir quatre bagues et un collier présentés comme des pièces rares, espérant réaliser une belle vente. Le grec n'hésite pas à prendre l'avion direction Paris où il avait conclu un rendez-vous avec ses mystérieux clients le 25 septembre dernier dans le 8e arrondissement. Le grec présente alors sa marchandise et l'affaire est rapidement conclue. Les deux hommes lui présentent une mallette remplie de billets de 500 euros. Méfiant, le bijoutier prend alors une liasse et se rend dans un bureau de change pour en vérifier l'authenticité. Rassuré, il revient donner les bijoux et empoche le reste. Jusque-là, tout allait bien. Mais ce n'est qu'après le départ des clients que l'homme a constaté son erreur. La majeure partie des billets était en réalité barrée du nom du célèbre jeu de société. Il a tenté de recontacter les voleurs, mais c'est drôle, il n'y avait plus de réponse. Le parquet de Paris a chargé les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance astucieuse de remonter la piste des escrocs. Mais vraiment, j'aime ça. Écoutez, ça, c'est le fun, des belles appellations françaises hallucinantes. Les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance astucieuse. C'est la BRDA. Brigade de répression de délinquance astucieuse. J'adore. Ouais, on en apprend à tous les jours, pareil comme Perline. Il y a de la connerie ici. Il y a de la coquinerie, je dirais. Eh bien oui, imaginez-vous qu'aux États-Unis, deux enseignantes sont arrêtées pour avoir réalisé un plan sexe à trois avec un jeune élève de 16 ans. Les deux professeurs risquent jusqu'à 17 ans de prison, plus que l'âge de leur élève. Hein. Elles s'appellent Shelley Dufresne, 32 ans, et Rachel Respes, 24 ans. Elles sont accusées d'avoir réalisé un plan à trois avec un de leurs élèves le 30 septembre dernier au domicile de l'une d'entre elles. Ah, les coquines. Les deux enseignantes du lycée de Destrehan, en Louisiane, ont été arrêtées par la police après avoir entendu le jeune homme se vanter de ses exploits auprès de ses camarades. Le rapport sexuel aurait même été filmé et photographié. Comment tu peux imaginer que le jeune n'en parlera pas? Et puis, sérieux, les enseignantes, deux belles filles quand même. Hein? Là, c'est ceux qui ont l'air mugshot, là, tu sais, ça a l'air photo prise par la police, mais une belle plastique. Durant leur détention, les deux jeunes femmes ont avoué avoir invité l'élève après un match local de football. Le procès aura lieu dans le mois. Elles risquent jusqu'à 17 ans de prison. On nous dit que dans l'État de Louisiane, l'âge légal, pour avoir un rapport sexuel entre adulte consentant est fixé à 17 ans. J'adore ce genre de nouvelles. Et comme je disais tantôt, juste pareil pour faire réaliser un peu la vie aux gens, si c'était deux enseignants arrêtés pour avoir réalisé un plan à trois avec une élève de 16 ans, oh qu'on n'aurait pas le même regard sur la nouvelle. Hein? C'est comme ça. Tiens, un homme ici roulera en chef-d'œuvre mobile jusqu'à New York. J'essaie de comprendre. Donc, comme tant d'autres d'artistes québécois, Québécois, David Gerlinger ira visiter New York en automne dans les prochaines semaines et c'est une aventure assez classique dans la période de l'Action de grâce. On le sait, les gens vont souvent faire un petit week-end là-bas. Mais son périple n'aura rien de classique, d'abord parce qu'il ne fera pas le trajet en autocar Greyhound rempli jusqu'au dernier étage, ensuite parce qu'il n'ira pas en troupeau saluer Madame la Liberté et sauter dans les feuilles mortes à Central Park. Il entrera en solo dans la grosse pomme à bord de son chef-d'œuvre mobile et s'installera dans Soho pour peindre en pleine rue. Son espoir attiser la curiosité des amateurs d'art de cette mégalopole culturelle et ainsi peut-être pouvoir conquérir le monde. clame toujours, bien sûr, ce cher Bourquois de 29 ans qui affiche un complexe mélange de timidité et de confiance avec sa casquette vissée sur la tête et ses yeux vissés dans les vôtres. Pour faire connaître son travail, ce fils d'Allemand qui réside à Québec depuis 9 ans a eu l'idée d'accrocher à sa matrix une remorque sur laquelle il exposerait le fruit de son art. Un ami menuisier lui a fabriqué cette mini-galerie mobile, une version artisanale de ses véhicules utilisés en publicité. Mais l'inspiration qui n'est pas venue de lui... Attends un peu. L'inspiration ne lui est pas venue de ces camions sandwich qui annoncent leurs produits dans le trafic des grandes villes, mais plutôt c'est d'un maillot de Arnold Schwarzenegger dans sa biographie. On le voit se promener dans les rues de Munich en speedo pour promouvoir le gym de son ami. J'ai adapté cette idée, très bonne et simple, de descendre dans la rue pour faire sa propre publicité. Je veux faire de l'art visuel comme du rock'n'roll. Je veux faire bouger les choses dans la plus grande liberté. OK. Testé à Manic 5. Pendant deux semaines, le printemps dernier, l'iconoclaste artiste a testé son bolide sur plus de 5000 km sur des routes provinciales dans un grand tour qui incluait, entre autres, la Côte-Nord et l'Abitibi. Le trailer a tenu même sur les chemins de terre qui mènent à Manic 5. Je ne passais pas inaperçu et c'était le but. Quand j'arrêtais dans les villages, le contact s'établissait facilement. Je me suis dit qu'une fois que les gens me connaissaient, ils ne peuvent pas me déconnaître. Oh, hein? Infirmier auxiliaire David Gerlinger a senti l'appel des arts en visitant le musée Van Gogh à Amsterdam il y a deux ans alors qu'il a quitté son emploi qui ne le rendait pas très heureux pour voir ce qu'il pouvait créer sur une toile. En juin, il arrivait en gladiateur au vernissage de sa première série de 12 portraits à Québec. C'était mon coming out artistique. J'ai senti que je pouvais vraiment me dire peintre quand un couple de collectionneurs a acheté une œuvre. À partir de là, tout est devenu possible, dit celui qui dessinait des personnages quand il était petit. Dans des scènes et des mises en scène originales. Pour la première fois de sa vie, David Gerlinger fait ce qu'il aime vraiment. J'ai toujours eu des projets flyés dans lesquels mes proches ne croyaient pas et qui n'aboutissaient pas. Cette fois, la fusion s'est faite. Je suis heureux et sans bon sens. Il y avait une brume qui recouvrait ma vie. Maintenant, je respire. Mon but, maintenant, est d'en vivre. Ben, je salue votre courage et votre témérité, hein? Un peu votre inconscience aussi. Et puis, vous m'inspirez moi-même. Je lâche tout. Je m'en vais. Mais pour vrai, ça serait quelque chose qui pourrait être possible un jour. Ben oui, parce que j'aimerais ça pouvoir aussi vivre de mon art, moi aussi, un jour, et ne faire que cela. C'est pas mal le but de ma vie. Sur ce, il est 12h53, on continue. Ça, vous allez voir, c'est très, très atroce. Glauque comme nouvelle. Une dame se fait agresser sexuellement sur la tombe de son mari. C'est une agression particulièrement horrible qui s'est déroulée dimanche dernier au cimetière de Champagné, dans le Doubs. Il était aux alentours de 16h15 lorsqu'une femme qui se recueillait sur la tombe de son mari a été agressée sexuellement par un individu. Ce dernier lui a d'abord demandé de se déshabiller avant de lui arracher son chemisier. Malgré le choc de l'agression, la femme âgée d'une cinquantaine d'années a réussi à prendre la fuite. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. L'agresseur serait un homme âgé entre 40 et 50 ans, de corpulence normale, d'une taille de 1,70 m, aux cheveux noirs, le visage rond, porteur d'une barbe noire assez longue et mal entretenue et à la peau mate. Toute personne ayant remarqué la présence d'un individu circulant à bord d'un véhicule de couleur grise ou ayant remarqué des comportements particuliers le jour des faits est prié de bien vouloir appeler le numéro vert gratuit suivant. Le numéro est là. L'appel sera pris en compte par un opérateur de la gendarmerie ou par un des enquêteurs. Une nouvelle vraiment atroce, je trouve. Je vais vous le faire demain parce que c'est tellement intéressant que j'ai le goût de vous en parler. Là, j'ai pas le goût juste de passer rapidement là-dessus. Ça va être le top 10 des effets positifs du vin sur votre santé. Sinon, en image, je vous invite à aller voir le décollage à risque du Boeing 747. C'est un salut effectué par un pilote lors de son envol qui suscite de vives polémiques. Cool pour les uns, trop risqué pour les autres. Moi, je vous le dis, c'est beaucoup trop risqué pour les autres. La vidéo a été prise par un vidéaste amateur et place l'entreprise Cargolux dans l'embarras. Le Boeing 787 aurait eu un décollage inhabituel à Washington. Chez Cargolux, les consignes de sécurité sont très strictes. 3 membres d'équipage et 4 collaborateurs de Cargolux étaient à bord du 747 lors de la livraison de l'appareil. Et puis, je vous explique rapidement, il a décollé. Au début, il semble aller normal, mais dès qu'il quitte le sol, il se met à tanguer vers la droite. Wow. Et là, il se reprend, mais l'avion vole à peine. Là. Il essaie de pousser, il est en train de pousser, là. C'est vraiment assez spectaculaire et tu te dis, non, ils vont se planter. Et non, finalement, ils vont réussir à prendre le ciel. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.